Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Exactement, oui, en relou, mais ce soir, je serai beau, grand, fort. Et tu verras, Julie, demain, je serai au taquet avec plein de muscles. Oui, c'est ça, j'attends de voir. Sport. Un petit peu maladie. Non, mais attends, tu rigoles, je suis venu habillé en full sport et tout. Là, on fera des photos, vous allez voir, ça va être une tuerie. Ça va être énorme. Tu l'as jamais vu aussi sexy, Julie. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'homme, ça change pas grand chose vu qu'il est tous les jours habillé en training. Donc. Oui, alors attends, mais tu l'as pas vu arriver ce matin. Il est en training là, t'as l'impression que. Oh là là là là là là. Un t-shirt avec marqué Chicago, tu sais, avec la capuche et tout ouvert, évidemment, tu penses. Alors avec une veste en plastique, c'est quelque chose d'énorme. Je vous tweet immédiatement. Voilà, on met ça sur le site évidemment immédiatement. Voilà. Donc Julie a passé une bonne nuit. Oui, encore une toute petite nuit, mais j'ai passé une bonne nuit. Ouais. Ah mais ça c'est quand on fait plein de trucs la nuit encore une fois. Hein. Tu me dis les vannes sont tous les matins, ce sont les mêmes vannes, mais il y a un moment, je fais trop la fête. La perche, évidemment. Que veux-tu ? Je n'avais plus de vie sociale et tout d'un coup j'en ai récupéré une. Bah écoute, non mais c'est bien. Écoute, on est content que l'aube est en train d'essayer de soulever un poids qui est beaucoup trop lourd, qui est plus lourd que lui au final, et que forcément il n'y arrive pas. Bon, ce matin, pas mal de choses. Bah ouais, tu penses bien. Ce matin, pas mal de choses. On est en direct de Mons, donc c'est rue de Nimi, numéro 69. Si vous voulez venir nous rejoindre, et bien évidemment, vous êtes les bienvenus, comme d'habitude. Si vous voulez venir nous rejoindre, c'est. Alors faites gaffe, il y a des travaux en bas de la rue, donc faut venir par le haut. Moi, je me suis fait avoir, donc je préfère prévenir. Donc respectez bien la législation du code de l'ordre. Je préfère prévenir, évidemment. Donc voilà, et puis sinon, rien ne change dans l'absolu, hein, puisque nous ferons évidemment la ligne anti-relou. Ce sera tout à l'heure d'ici un gros quart d'heure. Nous aurons également le remboursement des factures. Si vous voulez vous inscrire pour le remboursement des factures, un seul numéro, 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture, hein, comme d'habitude. Et puis le numéro aussi pour nos amis luxembourgeois, le 621-783-605. Je le rappellerai évidemment tout au long de l'émission. Ne vous inquiétez pas. Et puis bien entendu les billets d'avion qui seront à gagner, billets d'avion donc pour aller destination n'importe où en Europe, hein, pour dégager un petit peu de ce temps dégueulasse qu'il y a ici, hein, à Mons, 2 degrés. Donc Julie, je sais pas si tu avais regardé déjà la température à Mons. Bonne nouvelle, il va faire assez doux aujourd'hui, ça va vite monter. Ah bah ça va alors, bah écoute, on est plutôt rassuré. Oui, je suis plutôt rassuré. Degrés. Oui c'est ça, on va doubler. Bon, en même temps 2 à 4 tu me diras. Bon, et puis devinette qui colle, donc ça c'est pour les billets d'avion évidemment. Alors attention, écoutez bien la devinette qui colle et tu vas être contente Julie, j'ai des toutes nouvelles qui viennent de sortir. Oh, bien, alors écoutez bien. S'il se montre en paillettes, ce n'est pas pour faire la fête, on l'apprécie pour nettoyer, on le passe pour enguirlander. J'admets que le dernier détail n'est pas, non pas Claude François, n'est pas forcément clair, mais enfin je recommence. S'il se montre en paillettes, ce n'est pas pour faire la fête, on l'apprécie pour nettoyer. Qui est-il ? Voilà, c'est pas mal, on peut l'appeler également une brique. Voilà, je n'en dis pas plus. Peut-être un indice éventuellement, Julie ? Bah attends, pas du tout. Ah, tu n'as pas la réponse. Hein. Ah non, j'ai pas trouvé. Là, pour le coup, c'est difficile. Ah oui, c'est difficile. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Mais oui, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a des billets d'avion quand même à la clé. Donc je répète, s'il se montre en paillettes, ce n'est pas pour faire la fête. On l'apprécie pour nettoyer et on peut l'appeler également une brique. Voilà, si vous avez la bonne réponse, qui est-il ? 6322, c'est 1€ le message. On vous appellera en direct dans quelques instants pour vous offrir vos billets d'avion. Avant ça, il est 6h30. On va passer directement aux news maintenant. C'est avec July. Eh bien, bonjour à tous. Elodie Rupo veut bâtir une nouvelle Belgique. Hier à la Chambre, le nouveau chef du gouvernement a évoqué les grande ligne de l'accord du gouvernement conclu après un an et demi de crise, s'adressant particulièrement aux citoyens néerlandophones du pays. Elodie Rupo s'est engagée à travailler d'arrache-pied son néerlandais. Il leur a demandé un peu de patience et de compréhension. La réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Le FDF a regretté que la déclaration gouvernementale ne contienne aucun objectif précis, tandis que Écolo attend de voir du concret et la NVA estime qu'Elodie Rupo n'a rien compris. Au flamand, Elodie Rupo qui assistera aujourd'hui et demain à Bruxelles à son premier sommet européen en tant que chef d'État. Un sommet européen décisif. L'objectif est de faire oublier les désaccords de ces derniers mois et d'arriver à un accord à 27 pour renforcer la discipline budgétaire. Tout cela sous la surveillance des agences de notation. Le socialiste montois va toutefois intégrer une institution européenne penchant nettement à droite. La majorité des 27 dirigeants européens étant issus des rangs conservateurs. Les banques n'envisagent pas de hausse de prix, répondant aux déclarations du patron de la Fée Belfine hier matin. Fortis, Dexia et KBC ont nié vouloir augmenter leurs prix pour faire face à la crise. Pas de hausse pour les services journaliers, mais pour les emprunts, le silence est de mise. Testaché en tout cas n'y croit pas trop. La liquidation du holding communal a été approuvée par 85% des actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Cette assemblée qui avait été convoquée en octobre dans la foulée du démantèlement du groupe groupe Dexia, dont le holding communal était actionnaire. L'année 2012 s'annonce difficile pour le secteur économique, automobile plutôt, économique aussi, mais bon, surtout automobile pour cette fois. Deux mesures du budget fédéral 2012 vont le toucher de plein fouet. D'une part, le durcissement du régime des voitures de société et d'autre part, la fin de la réduction sur facture à l'achat des voitures neuves à faible émission de CO2. Eh bien, le syndicat des indépendants et des PME demande une période de transition jusqu'au 22 janvier, la fin du salon de l'auto pour les primes sur les véhicules propres. Bon, et on va passer à la météo maintenant. C'est parti. Quel temps pour aujourd'hui? Quel temps aussi forcément, surtout à Mons, puisqu'on s'y trouve actuellement? Eh bien, malgré les éclaircies ce matin, c'est encore la pluie qui va nous accompagner tout au long de la journée et pour toutes les régions. Donc, Mons sera également touché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire doux, de 4 à 12 degrés. Demain, il va faire plus frais et c'est au littoral que les éclaircies s'élargiront en cours d'après-midi. D'accord, ok, très bien. Bon, allez, c'est parti, on va passer maintenant à 6h33 à l'info en plus. Quelle est l'info en plus? Eh bien, la Belgique est 13e dans la lutte contre le réchauffement climatique. Notre pays a gagné 4 places par rapport au dernier classement du Climate Change Performance Index. Le problème, c'est que terminer 13e, ça fout la boue des boules quand même. Eh bien, 13e sur 58, donc c'est pas mal. Et donc, en fait, ce classement calcule les efforts climatiques fournis par l'ensemble des 58 pays les plus polluants. Alors, on a gagné 4 places, donc c'est bien quand même, il y a de l'évolution. Alors, le classement est dominé par la Suède, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais en fait, le classement, pour la petite histoire, contient en réalité 61 rangs, car les trois premiers sont symboliquement vides. Parce que les organisations environnementales veulent montrer qu'aucun de ces pays ne fournit les efforts suffisants pour éviter le stade critique du réchauffement, soit une augmentation de 2 degrés. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, ben voilà, retour de l'info en plus, ce sera évidemment dans une demi-heure, autant pour moi. Et puis, on va parler également tout à l'heure des billets d'avion. Je vous rappellerai la devinette qui colle, là, pour ceux qui galèrent un petit peu, la devinette qui colle. Je vous rappelle ça d'ici quelques instants, juste après le son de Sean Paul qu'on écoute tout de suite, She Doesn't Mind, sur Fun Radio en direct de Mons. C'était le son de Sean Paul à l'instant sur Fun Radio, She Doesn't Mind. Et il est 6h38, bonjour et bon réveil tout le monde. Ce matin on est en direct de Mons. Ça se passe, si vous voulez venir nous rejoindre, évidemment vous êtes les bienvenus, 69 rue de Nimy. On est dans une salle de sport. Alors pour l'instant c'est relativement calme forcément car il est tôt. Mais tout à l'heure il y a pas mal de défis qu'on va faire avec les auditeurs évidemment qui vont débarquer d'ici quelques instants. Donc on a pris le mégaphone comme ça l'op pour encore une fois bien crier comme il faut dans le mégaphone, comme vous en avez l'habitude d'ailleurs. Ça fera plaisir à Julie. Bon, 6h38, on va parler de quoi maintenant? Ah oui, Britney Spears, qu'est-ce qu'elle a fait Britney encore? J'ai une mauvaise nouvelle, elle a viré son coach. En fait, pour manger ce qui lui plaît. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une très très bonne idée. Donc, alors, comme de nombreuses stars, évidemment, elle tente d'avoir un corps parfait et donc ils engagent des coachs pour être motivés chaque jour. Eh bien, Britney, elle vient de se séparer du sien car elle n'en pouvait plus de ses pratiques. Les pratiques de Derek DeGrazio, pour celles qui voudraient le récupérer. Et donc, il l'empêchait forcément de manger ce qu'elle voulait. Et Britney s'est dit, zut, j'ai envie de ressembler à ce que je veux. Et donc, j'ai envie de manger encore. Autant prendre un coach qui te donne des McDo et tout ça. Voilà, exactement. Elle voulait encore manger ses cheese et donc elle sait que son Jason, son petit copain, l'aime comme elle est et donc elle a décidé de le virer et puis c'est tout. Mais le problème c'est que est-ce que les fans vont l'aimer comme elle est? C'est ça le problème. C'est ça, je ne sais pas. Mais bon, tu dis que parler de sport c'était bien vu qu'on est un peu dans le thème aujourd'hui vu que vous êtes quand même dans une salle de sport. Ah ouais, on est au top dans le sport là. Donc voilà, et par contre je ne suis pas sûre effectivement que ce soit une très bonne nouvelle pour les fans. Non, c'est clair. Mais justement, moi, je me suis pris en main là. Donc, comme on fait l'émission dans une salle de sport, j'ai décidé donc de me mettre au sport et je suis prêt tout à l'heure. Ah bah, il est totalement prêt là. Si vous le voyez dans sa petite tenue là. Mais bien sûr. Il a sorti son short. C'est. Short, chaussures, basket, tout bazar. Vous allez voir. Une tuerie. Bon, venez nous rejoindre. 69 rue de Nimy. C'est à Mons qu'on est aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un message qui est arrivé au 3044 qui dit vous voulez pas venir à la haute école ISEP à 8h15 pour y mettre un peu d'ambiance. Je voulais vous voir, mais j'ai cours ce matin. Oh, pas obligé. D'aller pour une fois, on te fera un mot si tu veux. Mais oui, on t'écrira un mot. Je l'ai fait la dernière fois à tourner, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement, il n'y a pas de souci. Oui. Bon, venez nombreux donc, 6h40. Dans un petit instant, l'infotrafic, voir un petit peu ce qui va se passer sur les routes. Si vous aussi d'ailleurs vous êtes témoin d'un problème sur les routes, eh bien signalez-le nous. Vous nous envoyez un petit SMS au 3044, je les ai sous les yeux. Ou alors sur le Facebook et sur le Twitter, vous tapez Mickaël officiel. Et on revient dans un petit instant avec. Qu'est-ce qu'on va se mettre dans un petit instant au niveau du son? Laurent Wery avec Swift KD, c'est AAA sur Fun Radio. Bon réveil. 6h40. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio. Il est 6h44, toujours en direct de Mons, 69 rue de Nîmes. Si vous voulez venir nous rejoindre dans une salle de sport, il y a pas mal de défis à faire et de cadeaux à gagner. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Mais avant cela, petit tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Jolaï? Eh bien, accident sur le 34, c'est difficile hein, ce matin. Et depuis Eindhoven, facile, hein, des Pays-Bas, jusque Anvers, à hauteur de Réti, la chaussée est fermée. Accident sur le ring extérieur de Bruxelles, à hauteur de Haas. Et puis, accident sur le 17, Courtrai en direction de Anvers à hauteur de Destelbergen, et puis aussi accident sur le 411 Bruxelles, Namur, Luxembourg à hauteur de Aigueuzé. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 41.4. Très bien, et si vous êtes témoin aussi d'autres problèmes, n'hésitez pas à venir nous en parler. Côté musique, c'est parti maintenant avec le son de Laurent Wery. C'est Hey Hey Hey sur Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Exactement, la ligne relou, c'est tous les matins sur la radio, 7h-, 8h-, 9h-, avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur la ligne anti-relou, c'est-à-dire le 0473 86 00 13, numéro que bien évidemment Tof se prend régulièrement dans la tronche et que Julie devrait donner plus souvent d'ailleurs, je pense, non? Oui, bah effectivement, oui, c'est difficile hein. Bah heureusement ouais, que ce numéro existe. Non mais bien, exactement, tu devrais donner beaucoup plus souvent pour qu'on ait encore plus de monde sur la ligne anti-relou. Mais bon, dans un instant dédié, et puis on écoute maintenant la ligne anti-relou. C'est parti, premier message laissé ce matin. Bien. Il oui, en donc morse, si hein. Jamais éventuellement il y a quelqu'un, oui, si quelqu'un comprend le morse, qu'il n'hésite pas à nous transcrire ce qu'il a essayé de nous dire par SMS au 3044, ça pourrait nous aider. Mais quoi qu'il en soit, je pense que si effectivement tu reçois un message comme ça, ce n'est pas la peine de rappeler à mon avis. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou, c'est parti. Allô. Bonjour mon frère. Allô mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Allô. Allô mon frère. Mon frère. Allô. Allô. Oui, c'est là qu'on remarque que c'est un vieux à mon avis, puisqu'il a laissé un message. C'est comme si c'était les anciens répondeurs avec une cassette. C'est où tu pouvais parler et que la personne, si elle voulait pas décrocher, pouvait quand même entendre le message et pouvoir décrocher. Sauf que là, évidemment, ça n'est pas possible. Donc bon, bah très bien, un vieux de moins donc. Et puis le message suivant, le dernier pour cette heure-ci. En tout cas, c'est parti, dernier message de la ligne anti-relou pour cette heure-ci, on écoute. Pouvez-vous me rappeler au 0474? Bref, voilà. Oh, ben ça va, lui encore. Non, mais bon, c'est bref, mais enfin, il était pas relou. J'ai déjà laissé plein de messages comme ça en disant pouvez-vous me rappeler pour des raisons X ou Y. Donc ça va, pour le coup. On a été peut-être un petit peu rude avec ce relou là, quand même. Un petit peu, je pense. Un petit peu dur, un petit peu dur. Retour de la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure. 0473 86 00 13. Et puis je vais vous rappeler aussi la petite devinette qui colle. Ça, c'est pour repartir avec vos billets d'avion. Écoutez bien la devinette qui colle. Alors, est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, écoutez bien. S'il se montre en paillettes, ce n'est pas pour faire la fête. Précis pour nettoyer, on peut également l'appeler une brique. Voilà, il peut être liquide également d'ailleurs, hein, cela dit au passage. Si vous pensez avoir la bonne réponse, n'hésitez pas à l'envoyer. 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde pour repartir avec vos billets d'avion. Et côté musique, c'est parti maintenant avec du Made in 100% belge. C'est Délicat qu'on écoute tout de suite avec Délicat et Magic Cut sur Fun Radio. Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio, 6h52, bon réveil tout le monde, et ce matin on est en direct de Mons dans la salle de sport Pop Power. Oui, bon, on s'est dit que du coup c'était bien de se lever le matin et de se faire un petit peu de sport. Bon, pour rien vous cacher, on n'est pas encore monté sur un seul appareil ce matin. Ce qui ne m'étonne pas. Ça va venir là. Non mais j'y crois. Non mais tu vois tout de suite le côté négatif. Mais non, je vois une belle machine où on peut faire de la course à pied là. Je vais la regarder, elle est bien. Belle machine, hein. Très très belle machine. Bon, allez, on va réveiller Mons aujourd'hui, car Tof est parti direction la gare de Mons, qui n'est d'ailleurs pas loin du Power Gym. On est au 69 rue de Nîmes à Mons, hein. Si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Donc Tof, on devrait la voir en direct de la gare de Mons. Allô Tof. Tof. Ah, je suis le seul à pas entendre Tof. Non, non, on ne l'entend pas, on ne sait pas où il est. Ah bon, d'accord, ok. Non, mais ça me rassure, je me dis, qu'est-ce que c'est ce bordel. Bon, d'accord. Ah oui, non, mais je sais, mais cette espèce d'idiot. Alors, je vous explique dans les détails. Il a un téléphone où je lui avais dit de pousser sur mute pour être sûr que, voilà, qu'il passe pas à l'antenne. Ah, oui. Ah voilà. Okay. Et maintenant, il s'est rendu compte. Oh mon dieu, effectivement, j'avais le bouton mute. Pourquoi ? D'accord, ok. Mais c'est bon, très bien. Bon, du coup, t'es. Et oui, comme quoi tout miracle arrive. Alors, est-ce qu'il y a du monde devant la gare ? Sur le truc des taxis, on s'en fout. Ouais. Voilà. Bon, alors, réveille. T'as pensé à prendre le mégaphone, donc, hein, ça y est ? On descend, je prends le mégaphone et on est parti. Très bien. Allez, c'est parti, on y va. Alors, est-ce qu'il. Ne crie pas comme l'aube, hein. Voilà, ça y est, je cours, je rentre dans la gare, attention. Alors, elle est où la porte ? Ah, il n'y a pas de porte à la gare. Ah, si, voilà. Alors, non plus. Non, c'est une gare, elle fait que deux murs. C'est très pratique. Bon, je tiens à signaler que je n'entends personne me parler, donc je ne sais absolument pas si je suis à l'antenne ou ce qui se passe en ce moment. Ah, d'accord, ok, mais c'est pratique. C'est bon. Et là, je viens de me prendre la porte de la gare dans la gueule et ça fait très mal. Non, mais c'est pas possible d'être bête comme ça, là. À ma douleur. Bon, allez, ça y est, t'es dans la gare, là. Voilà, visiblement, tu nous entends. Dans le hall de la gare. Très bien. Il y a du monde. Voilà. Là, les gens me regardent bizarrement avec mon mégaphone. Bon! Ça bon, allez. Pas. Allez, c'est voilà. Une blague. Bonjour, Marc. Voilà, je voulais juste vous signaler que ce matin, Mickaël à la radio, sur Folle Radio, est en direct de Mons. Il est en direct de Port-en-Vime, 69 rue de Nîmes. Venez nombreux, on vous attend. Voilà, il y a des petits défis à faire avec Mickaël, surtout arriver à le faire monter sur la machine. Donc je répète. C'est marrant, t'as l'impression qu'il est aussi sur un marché. Ah ouais, là, Yvan, c'est patate, c'est. C'est ouais. Thomas, c'est ce genre de chose. Eh oui, toujours gagnant, jamais perdant. Venez. Enfin, très bien. Bon, voilà, retour tout à l'heure. On y refera un tour, d'ailleurs, dans Mons pour le réveil Mons. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Bertrand, tu peux couper Toff. Hein. C'est bon, il va continuer à gueuler tout seul. Oh, c'est voilà, ce qu'il fait en général. Là, ça y est, c'est plié. Ouais, bah c'est ce qu'il fait en général, c'est vrai qu'il vaut mieux le couper parfois, c'est mieux. Bon, 6h56, dans un instant il y aura des défis donc en direct ici à la salle Power Gym 69 rue de Nîmes à Mons. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et les Black Eyed Peas maintenant, on écoute Whenever sur Fun. Mickaël à la radio, tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, ouais. Tous les matins on est sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous en direct. Il est 6h58, je vous rappelle la devinette Nicole avec pas mal de mauvaises réponses qui sont arrivées aussi ce matin. Bah oui, mais ça c'est normal en même temps, hein. C'est-à-dire que le matin vous n'êtes pas forcément encore bien réveillé, donc vous avez un petit peu de mal et c'est normal. Je vous rappelle la devinette Nicole, donc écoutez-la bien. S'il se montre en paillettes, ce n'est pas pour faire la fête, on l'apprécie pour nettoyer. On peut également l'appeler une brique, oui peut-être liquide également. Donc si vous avez la bonne réponse, si vous pensez avoir la bonne réponse en tout cas, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a des billets d'avion qui sont à gagner. On proposait du vernis. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des réponses qui sont arrivées comme ça. Il peut être marseillais également. Voilà. Donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Et puis on va vous rembourser les factures aussi. Ça, je vous explique comment ça se passe juste après les infos que nous allons faire d'ailleurs d'ici 10 secondes sur Fun. Il est 6h59 sur Fun Radio, un petit peu avant les autres. On passe à l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, Elio Di Rupo veut bâtir une nouvelle Belgique. Hier à la Chambre, le chef du gouvernement a évoqué les grandes lignes de l'accord de gouvernement conclu après un an et demi de crise, s'adressant particulièrement aux citoyens néerlandophones du pays. Elio Di Rupo s'est engagé à travailler d'arrache-pied son néerlandais. Il leur a demandé un peu de patience et de compréhension. La réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Le FDF a regretté que la déclaration gouvernementale ne contienne aucun objectif précis, tandis que Écolo attend de voir du concret et la NVA déclare qu'Elio Di Rupo n'a rien compris. Au flamand, Elio Di Rupo qui assistera aujourd'hui et demain à Bruxelles à son premier sommet européen en tant que chef d'État. Un sommet européen décisif. L'objectif est de faire oublier les désaccords de ces derniers mois, d'arriver à un accord à 27 pour renforcer la discipline budgétaire. Tout cela sous la surveillance des agences de notation. Et puis après avoir menacé la zone euro lundi, l'agence de notation Standard & Poor's s'en est pris cette fois à plusieurs grandes banques françaises et allemandes de la zone euro. Chez nous, les banques n'envisage pas de hausse de prix, répondant aux déclarations du patron de la Fébelfin hier matin, Fortis, Dexia et KBC. ont nié vouloir augmenter leurs prix pour faire face à la crise. Pas de hausse pour les services journaliers, mais pour les emprunts, le silence est de mise. En tout cas, Testachat n'y croit pas trop. La liquidation du holding communal a été approuvée par 85% des actionnaires présents à l'Assemblée Générale Extraordinaire. À la suite de la débâcle de la banque Dexia, le holding avait vu sa perte atteindre 2,25 milliards d'euros, conduisant les actionnaires à devoir choisir entre la faillite et la liquidation volontaire. Spectaculaire accident hier soir sur le Ring 9 à hauteur de la sortie Philippeville à l'arrière de la gare de Charleroi Sud. Une voiture qui empruntait la boucle a dévié de sa trajectoire à hauteur des travaux. Elle est tombée 20 mètres plus bas sur les voies de chemin de fer. Le conducteur est mort sur le coup. Le trafic ferroviaire a été interrompu le temps de déblayer le véhicule accidenté. Et puis enfin en sport, en Ligue des Champions, en dernière journée de phase de poule, Lyon, Bâle, CSKA et Naples sont qualifiés. Les deux Manchester se retrouvent éliminés malgré la victoire pour City et après une défaite humiliante à Bâle pour United. Cette sixième journée a été marquée par le match à Zagreb puisque Lyon s'est qualifié pour les huitièmes de finale, 7 buts à 1. Oui, c'est ça, c'est un truc de fou ça. 7 buts à 1, c'est quand même assez exceptionnel. Surtout qu'il devait en plus marquer autant de buts pour pouvoir se qualifier, c'est pas mal. 7h02 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. C'est la météo maintenant. Quel temps à Mons? Puisque évidemment, c'est le seul truc qui nous intéresse en direct de Mons. Le reste, on s'en fout. Bon, ben, à Mons et partout ailleurs, malgré les éclaircies de ce matin, c'est encore de la pluie qui va nous accompagner tout au long de la journée et toutes les régions seront touchées. Bonne nouvelle quand même, allez, il va faire doux jusqu'à 12 degrés cet après-midi. Demain, il va faire plus frais, mais c'est au littoral que les éclaircies s'élargiront en cours d'après-midi. C'est pas mal, on aurait dû faire l'émission en direct d'une piscine. Tiens, 12 degrés, c'est quand même pas mal pour le mois de décembre. Bon, dans un petit instant, l'info en plus, et puis je vais vous rembourser vos factures également. Je vous explique comment ça va se passer au niveau des factures. Juste après ça, c'est dans 30 secondes, on revient en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. De retour sur Fun Radio en direct avec un petit message qui est arrivé. Tiens, coucou l'équipe, contente que vous soyez à Mons. Malheureusement, je peux pas venir participer à l'émission faute de stage. Réveillez bien la cité du doudou. Bisous à tous. Dédicace aussi à Ludo de sa petite femme qu'il aime, c'est Gwen. Oh merci Gwen. C'est dommage que tu puisses pas venir effectivement. Bah les autres, si vous voulez venir nous rejoindre, 69 rue de Nimi, c'est à Mons qu'on se trouve ce matin au Power Gym. Si vous voulez venir nous rejoindre, il y a pas de souci. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis côté facture, on va vous les rembourser dans un instant. Si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, et eh bien c'est simple, 63,22 par SMS, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Il y a déjà 42€ pour une facture, mais on ne sait pas de quoi. 150€ pour un ostéopathe, 91,78€ pour Beliacom, 118€ pour Beliacom également d'ailleurs aussi, 86€ pour une facture internet, 50€ pour Mobistar, 40€ pour Saint-Nicolas. Bref, si vous voulez qu'on vous appelle en direct dans quelques minutes, dans 4 minutes pour être précis, pour vous rembourser votre facture, et eh bien vous envoyez un petit SMS au 63,22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle chez vous dans 4 minutes. Mais avant ça, et avant d'écouter Mister You et le Colonel Rayel, c'est l'info en plus. Maintenant, l'info en plus de July. Bon, bah écoute, c'est la crise, mais apparemment pas pour tout le monde, puisqu'il y a un parfum qu'il va se vendre à 1 million de dollars. Bon, ce sera au profit d'une bonne action. Hein, donc, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais bon, c'est DKNY qui a fait appel au créateur de bijoux Martin Katz pour décorer la bouteille de son parfum Gold Delicious. Alors, tiens-toi bien, la bouteille est parée de 14 carats d'or jaune et blanc, de 183 saphirs jaunes et de 2700 diamants blancs avec quand même 2,43 carats de diamants jaunes. Donc c'est un peu la totale. Hein, ah on ouais, peut c'est le pas dire. Mal. Bah, en même temps, tu me diras pour un million, il vaut mieux quand même qu'il soit bien. Effectivement. Bien tuné, quoi. Effectivement, pour un million, il faut au moins ça. Et donc la bouteille sera vendue au profit de l'action Against Hunger. Donc c'est quand même pour une bonne action. Ça, c'est bien. Ouais, ouais. Mais enfin, quand même, un million d'euros, faut quand même être complètement con pour acheter un bijou. À un million d'euros. Une bouteille mais bon, après, de parfum. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est même pas un bijou. Hein, c'est une bouteille de parfum. Oui, c'est même pas un bijou. Une fois ouais, que tu as utilisé bouteille de parfum, c'est encore pire. Je sais pas ce que t'en fais. Quoi. Ah, mais il n'y a plus. Ça peut décorer. Bah, tu vas en racheter un autre. Bah, c'est ça, ou tu vas en racheter un autre, tout simplement. Bon, allez, dans un instant, nouvelle info en plus, ce sera aux alentours de 7h30. On vous rembourse les factures également au 63,22. Code facture, dernière chance pour vous, pour cette heure-ci évidemment, de vous faire rembourser votre facture. Inscription, vous avez le temps du disque. 63,22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis côté musique, c'est parti maintenant avec. Voilà, et c'est Mets-toi à l'aise sur Fun Radio, 7h05. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Oui, également. Voilà, on paye les factures également tous les matins sur Fun Radio. 7h10, 8h10 et 9h10. Évidemment, vous lâchez vos messages si vous voulez qu'on vous rappelle au 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, par exemple, 85€ pour une tenue sexy pour Noël. Ah ouais, ça peut être. Mais évidemment, comme par hasard, c'est ça qu'on va rembourser. Non mais c'est pas ça, c'est-à-dire que là je suis en train d'essayer de me consoler comme je peux parce que tu n'as pas vu comment est arrivé Toff habillé avec un espèce de t-shirt Jupiler pour faire du sport là. Avec un dessus Bud Light bleu et le t-shirt Jupiler qui est rouge avec un comment on appelle ça, un short tu sais qui colle aux cuisses là. Oh Adidas. Non, un cycliste. Ah oh, quelle horreur. Ouais. Là je suis au taquet Julie, c'est horrible. Je te ferai kiffer. Oh là là, on va mettre la photo, tu vas pouvoir la voir en direct là d'ici quelques secondes là, ça va être c'est horrible. Non, je préfère éviter les nausées donc je regarderai pas non. Tu m'étonnes. Il y a des auditeurs qui ont vu. Comment vous appelez les gars? Benjamin et Nicolas qui sont passés également nous voir et qui ont ils vont partir, ils ont eu peur de Toff, donc là, ils vont se barrer. Hein. Ils vont se barrer d'une seconde à l'autre. Hein. Donc on va leur faire faire un petit défi d'abord. Hein. Bah oui, ils sont là en plus, on va faire ça comme ça. Bon, avant ça, on va d'abord faire les factures parce qu'il y en a plein qui doivent être en stress en se disant est-ce qu'on va m'appeler, est-ce qu'on va pas m'appeler. C'est parti, nous allons appeler maintenant pour rembourser 42€, mais je ne sais pas pourquoi. Donc bon, on verra bien. Surprise, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti, on compose le numéro de téléphone et puis si la personne qu'on va avoir en ligne dans quelques instants décroche et répond bien, Mickaël ou Fun Radio, la petite question, ce sera gagné. Alors, ça ne sonne pas par contre, hein. Sauf si Julie me dit que ça sonne et à ce moment-là c'est moi qui n'entends non, rien, si bien ça possible. Ne sonne pas, non. Je dois refaire le numéro. Il me semblait bien que c'est. Ah, notre cher Bertrand. Voilà, refaisons le numéro. Refait le numéro. Ah, mais oui, Bertrand est là. Oh, mais je pensais que c'était Julie qui poussait sur les boutons et tout. J'étais perturbé. Je me dis, waouh, quelle classe quand même, cette meuf. Ah non, j'ai toujours quelqu'un pour m'assister. Hein. C'est toi qui ne t'en rends pas compte. Ah ouais, ça doit être ça, effectivement. Je dois pas m'en rendre compte, c'est clair. Bon, allez, on recompose le numéro de téléphone. Normalement, ça devrait aller. Et j'espère que ça fonctionne. Hein, parce que maintenant qu'on est en direct de Mons et que ça marche, je serais con que le standard marche pas alors que lui est à Bruxelles. Ah bon, on fait ce qu'on peut. On n'est pas venu avec le standard. Bertrand n'est pas formé pour ça à la base. Oh, genre, il est pas formé pour faire un numéro de téléphone. Bon, allez. Ça va bien se passer, c'est parti, on y va maintenant. Normalement, ça devrait composer. Ça compose, ça compose pas. Non, ça ne compose pas. Bertrand, fais-moi un signe. Eh ben, c'est parfait. Dis-moi quelque voilà, chose. Bon, ce que je propose. Oui, mais c'est pas grave. Ce que je propose, c'est que on va mettre le son de Florida maintenant avec Good Feeling. On va revenir après. Il y aura Doudou avec son horoscope et puis, si on a l'occasion, on remboursera la facture juste après. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous serez pas inscrit pour rien. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Voilà, c'est bon, on a shooté dedans, là, le standard remarche, c'est parti, 7h16, on va faire l'horoscope dans un instant et le remboursement des factures. Bon, alors certes, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. On appelle immédiatement quelqu'un qui s'est inscrit par SMS au 6322 ou alors via le numéro luxembourgeois, le 621-783-605. C'est parti, on compose et on devrait normalement rembourser maintenant une connexion Internet. Voilà, 47€ pour sur Internet. Ouais. Bah, c'est dommage, j'avais la tenue sexy Noël, c'est dommage que ça n'a pas été tiré au sort. Hein. On aurait pu en savoir un petit peu plus sur la tenue sexy. C'est dommage, c'est dommage. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Allô, bonjour, comment ça va? Ça va. Bon, qui paye les factures le matin? Ben, c'est Mike. Bah oui, bien évidemment. Bravo à toi. Bon, tu t'étais inscrit pour qu'on te rembourse 47€ pour Internet, c'est ça? C'est ça, oui. Écoute, pas de problème, c'est vendu, hein, 47€, on va te rembourser ça, il n'y a pas de souci, on va te faire un petit virement tout à l'heure. T'es dans quelle ville, toi? Dis-moi, et comment tu t'appelles? Je m'appelle Freddy et je suis de Liège. D'accord, ok, très bien. Bon, Liège. Bon, bah écoute, passe une bonne journée, reste au standard, on va te rappeler tout à l'heure pour t'expliquer comment ça se passe, d'accord? Ça va, ok. Allez, bonne journée à toi, à bientôt. Et puis, ciao. Et si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, on remet le couvert dans moins d'une heure. 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Allez, on va enchaîner immédiatement et exceptionnellement. Exactement, avec l'horoscope. Oh bah Bertrand, qu'est-ce qu'il arrive? T'as deux mains gauches, Bertrand, ce matin? Hein? Un peu de mal. Tu peux parler, hein? Ouais. Il fait ce qu'il peut, ça arrive même au meilleur. Il est possible qu'il ait une crise cardiaque avant la fin. Hein. Mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, Doudou, venez ici, Doudou, là. Oh là là, il est en train de lever des poids, là. T'imagines un peu ça avec sa tête, en train de lever des poids, là. Vous allez encore vous fatiguer pour rien, là, Doudou, là. Vous êtes grave, quand même. Non, pas du tout, alors que Mais si. Bon, Doudou. Je faisais un peu de sport, ça faisait longtemps. Je suis curieux que vous soyez venu, je suis surpris plutôt que vous soyez venu à Mons, parce qu'il fait froid ce matin, là. Hein. Moi aussi, je me suis surpris. Ah bon, d'accord, ok. Bon, allez, on va commencer avec les béliers, parce qu'on a pas trop le temps, c'est parti. D'accord, alors une bonne nouvelle vous surprend, vous ouvre de nouvelles possibilités. D'accord, bah très bien. Les taureaux. N'exigez plus de votre entourage que vous, ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Même en faisant du sport, vous devriez veiller à faire des pauses. D'accord, les cancers, comme Julie. Je l'avais mis exprès pour ici. Hein. Alors, les cancers, cette journée va éclaircir quelques fronts. Sachez faire la différence entre vos amis et vos adversaires. Tu vois, Julie, c'est, oh là c'est là bien, c'est quand on est en direct de l'extérieur, il fait pas ouh là là là là là là. Tu vois, c'est pour ça que je ne vois pas, c'est pour ça. Ouais, c'est clair. Les lions. Votre situation est bonne pour débuter de nouveaux projets. D'accord. Les vierges. Dans le courant de la semaine, vous risquez d'avoir une dispute avec votre chef. Alors vérifiez bien votre travail aujourd'hui. Les balances. Le stress augmente votre envie de vacances ou d'une pause. Ne vous découragez pas, c'est bientôt fini. Les lions. Les scorpions. Ah oui, une bonne idée va enfin être honorée. Vous pourrez vous imposer. Très bien, les Sagittaires. En ce moment, vous ne connaissez pas le grand amour. Attendez encore un peu et ne perdez pas courage. Les Capricornes. Bientôt, vos chances financières vont s'améliorer. Les Verseaux. Ne vous faites pas d'idées fausses, vous êtes dans un cul-de-sac professionnel. Ah, d'accord, les Poissons. Les Poissons, passez l'amour au premier rang. Même si vous le souhaitiez, vous ne pouvez pas lui échapper. Très bien, bon doudou, on va vous laisser faire du sport et puis on vous retrouve dans une heure. Je vais aller pousser un petit peu. Allez, la fonte, là. Faites donc ça. Et puis le premier défi avec les auditeurs dans quelques instants, c'est juste après le son d'Enrique Iglesias et Pitbull maintenant. C'est I Like How It Feels sur Fun. Voilà le son d'Enrique Iglesias à l'instant sur Fun Radio avec Pitbull, c'était I Like How It Feels. Il est 7h22, bon réveil tout le monde, on est en direct de Mons ce matin. C'est au 69 rue de Nimy à Mons et donc nous sommes là et nous avons avec nous notre ami Sébastien Loeb qui est là en pleine forme. Sébastien Loeb. Oui, en pleine forme. Bon, très bien, de l'autre côté nous avons Sébastien, auditeur. Benjamin, excuse-moi. Ouais, voilà, Benjamin. Et ben, en pleine forme aussi. Impeccable. Et bon, bah très bien. Alors on est là avec Toff, hein, Toff qui a des enveloppes sur lui, j'ai les enveloppes. Exactement, et qui va donc les ouvrir. Il y a des défis. Après le défi. Très bien. Et donc en fait c'est en fonction de celui qui perd le défi, bien sûr. Hein, donc c'est à dire que si Benjamin gagne, eh bien c'est Loeb qui devra tirer une enveloppe. Exact. Si, et il repart avec un cadeau. Si c'est l'inverse, c'est Benjamin qui tire une enveloppe et il repart les mains vides. Très bien. Allez, on y va, c'est parti. On a mis du lourd. Hein. Combien du poids? On a mis combien là? 40 kilos. C'est un peu léger. Hein. Moi j'aurais mis un peu plus, mais bon. Non, parce qu'il y a le patron de la salle qui nous a dit que c'était déjà limite. C'était déjà limite pour des mecs qui n'avaient pas l'habitude. D'accord, ok, très bien. Allez, on y va. Donc on va commencer par l'homme, hein, puisqu'il fait le malin toujours. Non, ils doivent aller ensemble, c'est le premier qui arrête, okay, qui a perdu. Bon, d'accord, ok. Allez, ça va, d'accord. Allez, on y va. Attention, Benjamin. Je suis avec Benjamin, Toff est avec l'homme. Alors attention, on y va, c'est parti. Premier. Oh, facile. Allez, l'homme, vas-y. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, là. Vas-y, il maîtrise. Hein. Vas-y, ouais, attention. Déjà... Ah, on sent qu'il rame. Ah, on sent qu'il rame. Il est rouge patate. Alors que Benjamin, l'auditeur, lui, ça va. Hein. Il est là, t'as l'impression qu'il lève son dessus, qu'il lève du pain. Là, allez, il est bien. Allez, oh, Loeb, il galère. Loeb galère. Attention, Loeb galère. Oh là là, il n'y arrive plus. Ah là là, et c'est mort. Ah, voilà. Ça y est, c'est Loeb qui a perdu. Alors que Benjamin, l'auditeur, lui, continue à faire des développements. Comment on appelle cette machine d'ailleurs? Comment on appelle cette machine? Benjamin a mis 20 kilos et qu'il a un appareil beaucoup plus facile que le. Ben oui, c'est ça. Bon, le défi de Loeb dans un instant? Bien sûr, le défi de Loeb. Oh, tu veux pas qu'on tire l'enveloppe maintenant? Allez, tirons l'enveloppe et on fera le défi après. Allez, vite, tire l'enveloppe. Allez, vite, Loeb, on n'a pas la journée. Voilà, Loeb a tiré le défi. Allez. Non, il y en a pas trois, il y en a qu'un. Allez, alors, vite, Loeb, on n'a pas la nuit. Vite, parce qu'il y a Julie qui pousse là pour les infos là. Voilà, alors c'est quoi le défi? Boire de la mixture. Ah, que des produits light dans la mixture. Voilà, donc Toff a préparé effectivement une petite mixture. Ça que Loeb va devoir boire cul sec. Ah bah, je te confirme, c'est-à-dire que là il n'entend pas, mais je te confirme que c'est un truc complètement dégueulasse. Mais on fait ça dans un instant. Voilà, donc ne bougez pas de là. Hein, on va revenir dans un instant avec les infos de Julie, avec vous toutes et vous tous en direct. Et nous on est en direct de Mons ce matin, 69 rue du Mi, dans une salle de sport. Donc plein de défis à faire ce matin. On vous attend avec impatience. A tout de suite. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, excuse-toi petit. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Sirica. Tous les matins j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël Fun à la radio. Exactement, il est 7h29 sur Fun Radio. C'est dans un petit instant l'info qui va débarquer. Et puis il y aura le défi de notre ami Love, hein, puisqu'il a largement perdu au jeu du sport. Mais comment s'appelle cette machine là, justement là, ça s'appelle comment cette machine là? Parce on n'en sait rien, on n'en sait rien comment ça s'appelle. C'est le Sport Art Fitness. Ah, le Sport Art Fitness, d'accord. Ouais, okay. Bon, il a perdu surtout, à ça. Ouais, je pense. Ouais. En fait, le truc c'est qu'il faut lever des poids vers le haut. Mais c'est une machine pour les épaules en fait. C'est une machine pour les épaules, d'accord, ok, très bien. Donc il a perdu à ça. Et donc il y a un petit défi qui va se faire dans un instant. Il devra boire une mixture. Magnifique. Bon, avant ça, on a la réponse à la devinette qui colle. C'est parti, on appelle quelqu'un maintenant, justement. Si il ou elle décroche et donc forcément a la bonne réponse, eh bien elle repartira avec un deux billets d'avion carrément pour quitter cette grisaille belge. Allez, c'est parti. Je ne sais pas chez qui on va, mais on y va, c'est sûr. Allô ? Allô, bonjour, comment ça va ? Allô ? Allô ? Bah, madame ? Non, bah dis donc, elle m'entend pas. Hein, bah comment ça se fait, ça marchait tout à l'heure. Allô, madame ? Allô ? Ah, voilà, elle m'entend maintenant. Comment ça va ? Ça va. C'est Mickaël, tu en direct à la radio sur Fun Radio ? Oui, oui, je sais. Ah, c'est toi qui as joué ? Oui, c'est moi qui ai joué. Eh ben, écoute, très bien. Alors, quelle est la bonne réponse ? S'il se montre en paillettes, ce n'est pas pour faire la fête ? Eh ben, oui, voilà, je n'ai même pas le temps de terminer ma question, mais tout va bien. Eh ben, écoute, c'est le savon. Bravo à toi. Comment tu t'appelles ? Chantal. Chantal, eh ben Chantal, c'est gagné, deux billets d'avion pour toi. Tu restes au standard, on va te rappeler tout à l'heure pour tout expliquer, d'accord ? Oui, oui, on souhaite. Allez. Ah ben c'est chouette, ah ben c'est génial. Allez, gros bisous Chantal et puis. Eh ben t'as vu comme quoi il y a une première fois à tout, ça marche bien, tant mieux. Bon, gros bisous Chantal et puis on reprend tout à l'heure quelqu'un avec une nouvelle devinette qui colle. Ce sera d'ici quelques instants le temps de faire un tour du côté de l'info maintenant à 7h31 sur Fun Radio. Bonjour à tous, les chauffagistes et les poseurs de châssis sont débordés en cause la fin des réductions d'impôts pour les économies d'énergie prévues en 2012 dans l'accord du budget. Les clients se précipitent pour passer encore commande dans l'espoir de pouvoir encore bénéficier des avantages fiscaux, mais tous ne pourront pas être contentés d'après les professionnels du secteur. Mais les clients pressés prennent des risques en s'acquittant du montant total de la facture avant le 31 décembre. Ils espèrent donc bénéficier de la déduction fiscale de 40% avec le risque de tout perdre si jamais l'entrepreneur devait faire faillite. Philippe Moreau, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, a été la cible de deux lettres le menaçant de mort. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien à la capitale. Le bourgmestre a refusé la protection de la police. Philippe Moreau voit deux phénomènes pouvant expliquer cette situation tendue. Un noyau dur d'opposants à sa politique d'intégration et un deuxième cercle de personnes, notamment flamandes, qui lui en veulent personnellement. Le bourgmestre évoque une véritable campagne de dénigrement à son encontre en Flandre. Accord social chez AB InBev, direction et syndicat du groupe brassicole belgo-brésilien, ont conclu dans la nuit une convention collective de travail 2011-2012 relative aux salaires et conditions de travail pour les ouvriers. Le nouveau Premier ministre Elio Di Rupo assistera aujourd'hui et demain à Bruxelles à son premier sommet européen en tant que chef d'État. Un sommet européen décisif. L'objectif est d'arriver à un accord à 27 pour renforcer c'est la discipline budgétaire, tout cela sous la surveillance des agences de notation. Et puis, après avoir menacé la zone euro lundi, l'agence de notation Standard & Poor's s'en est pris cette fois à plusieurs grandes banques françaises et allemandes de la zone euro. Chez nous, les banques n'envisagent pas de hausse de prix, répondant aux déclarations du patron de la Fébelfin hier matin. Fortis, Dexia et KBC ont nié vouloir augmenter leurs prix pour faire face à la crise. Pas de hausse pour les services journaliers, mais pour les emprunts, le silence est de mise. De son côté, Testachat n'y croit pas trop. Enfin en sport, en Ligue des Champions, en dernière journée de phase de poule, Lyon, Bâle, CSKA et Naples sont qualifiés. Les deux Manchester se retrouvent éliminés malgré la victoire pour City et après une défaite humiliante à Bâle pour United. Cette sixième journée a été marquée par le match à Zagreb puisque Lyon s'est qualifié pour les huitièmes de finale 7-1. Eh oui, 7-1 effectivement, c'est le score qu'il devait faire en tout cas pour gagner. Donc 7-1 c'est pas mal en Ligue des Champions, c'est très fort. Il est 7h33 sur Fun Radio, il y a Jim Classy Rose dans un instant avec Adam Levine qui arrive, Stereo Hertz. Et puis bah la météo maintenant, quel temps aujourd'hui sur Mons, puisque évidemment nous sommes en direct de Mons. Eh bien Mons et partout ailleurs, malgré les éclaircies de ce matin, c'est encore la pluie qui va nous accompagner tout au long de la journée. Mais la bonne nouvelle c'est qu'il va faire doux, de 4 à 12 degrés tout de même. Demain il va faire plus frais et c'est au littoral que les éclaircies s'élargiront en cours d'après-midi. Eh ben c'est déjà ça de prix, effectivement, ouais. Bon, allez, passons maintenant à l'info en plus et je vous annoncerai également la nouvelle devinette qui colle dans un instant. Eh bien, bientôt, une pilule écologique sera mise en vente. On le sait, la pilule contraceptive est de moins en moins appréciée car son effet sur l'environnement est souvent mis en cause. Eh bien, pour les femmes qui respectent l'écologie, c'est la bonne nouvelle. Dès janvier, Teva Pharma Group commercialisera une pilule 100% naturelle. Ce comprimé serait donc moins nocif pour le corps et aussi pour l'environnement. Alors, elle sera réalisée à base d'oestrogènes naturels et de progestatifs neutres. Ça, c'est un petit peu pour les détails compliqués. Donc, l'un régulera le cycle et l'autre agira pour prévenir une grossesse éventuelle. C'est le rôle de la pilule, forcément. Ouais. Donc, voilà, donc ce sera une pilule 100% écologique. Bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein. 100% écologique, mais là après, faut voir si elle va bien marcher. Oui, bah ça, on ne sait pas. Mais j'imagine que si elle va être mise en vente, c'est qu'ils savent un peu ce qu'ils font quand même, hein. Oui, oui, bah j'espère pour eux, j'espère pour les filles surtout aussi, accessoirement. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Tu nous diras quand ça va sortir. Tu vas l'essayer tout ça, non ? Non, je ne vais pas commencer à essayer. Moi, j'ai ce qu'il faut, tout va bien. Ah d'accord, ok. Ah d'ailleurs, il y avait un petit message qui est arrivé par SMS là que je voulais te lire. C'était bonjour Julie, juste pour te dire que t'as une voix très agréable. Il a de la chance ton chouchou, c'est Stéphane de Namur. Oh mais merci Stéphane de Namur, je te fais de gros bisous. Elle te rappellera quand elle sera célibataire. Mais ça n'arrivera jamais, désolé. Au cas où. On ne sait jamais. Bon, allez, la nouvelle devinette qui colle. Maintenant, écoutez-la bien. Si vous avez. Non, bah d'abord, Jim Classilloise. Alors, hein, Bertrand, le nouveau chef de ce matin, a décidé. Ok, la devinette qui colle, c'est juste après sur Fun Radio. Allez, vas-y, Adam Levine maintenant. Stereo Earth sur Fun Radio, 7h35. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Exactement, il est 7h38 sur Fun Radio. On est en direct de Mons ce matin dans une salle de sport. On s'est dit qu'on allait se réveiller en tant que grand sportif ce matin. Et Dieu sait qu'on a raison, puisque Toff avait décidé de venir aussi dans le but évidemment de plaire à Julie dès demain, dès qu'il aura plein de muscles. Mais bien sûr, et puis surtout avec cette tenue exceptionnelle que j'ai mise, je suis sûr on va la faire craquer quand elle verra la grande classe, magnifique tiens. Tenue. Ah oui, oh là là, mais tu n'imagines même pas. Franchement, on va la mettre la photo sur le Facebook. La photo est sur Twitter. Hein, ah, la photo est sur Twitter. Bon, on va la mettre sur Facebook et sur le blog aussi dans un instant. Vous allez pouvoir aller voir. Donc en tapant Mickaël officiel sur Facebook et sur Twitter. Bon, tout à l'heure, il y avait eu un défi donc avec notre ami Sébastien Loeb face à un auditeur Benjamin, d'ailleurs ici présent. Benjamin qui a gagné haut la main, c'est le cas de le dire. Hein. Et Loeb qui a perdu. Et oui, bas la main. Oui. Et donc du coup, bah forcément, petit défi et il a tiré au sort un petit défi, c'est-à-dire boire la mixture que Toff lui a faite. Alors, avant de la boire, pour expliquer peut-être éventuellement à Julie et à tous les auditeurs, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, pour expliquer aux auditeurs, donc il n'y a que des produits light et naturels. Parfait. De la camomille, du piment, du vinaigre, du vin blanc, du Schweppes agrumes. Du vin blanc. Light. Schweppes agrumes light, je tiens à préciser. et puis une surprise, mais ça je le dirai après. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, voilà, parfait. Bon, pas de truc dégueulasse. Non, il y a du Nesquik aussi, j'ai oublié. Oh, du Nesquik. C'est dégueulasse. Non, ça, bah attends, et du Nesquik en plus avec du vin blanc et tout ça, c'est quand même un mélange qui est quand même... Allez, Lop, c'est parti. Respire un grand coup. Faut savoir que quand j'ai le truc à 60 cm de moi, je sens bien le... Ouais, bah allez, et n'oublie pas, 30 secondes, il faut le garder avant de boire autre chose. Hein. On y va, c'est parti, attention, il le boit. Ah non, ça me dégoûte. Comme ça a l'air bon, et il le boit avec plaisir. Hein. On garde. Bah voilà. On garde. Oh, la tête Jean. De Lop. Voilà, c'est le piment surtout, hein. c'est le retour du piment qui lui fait beaucoup d'effet. Mm-hmm. Ouais, attends, Lob. Charlie Sheen, quand il colle comment ça se passe, Lob ? Oh, il est rouge, il sue. Très bien. J'avais justement des microbes, j'ai l'impression que la barre est là. Comment tu transpires ? Oh là là, il surtranspire, il a des. Il est en train de pleurer. On a l'impression que t'as couru à 400 mètres. Il est en train de pleurer là en ce moment. Bon, ça va aller voir autre chose si tu veux, Lob. Vas-y. On lui a confisqué sa bouteille, c'est pour ça que c'est drôle. Voilà, bon, toutes les photos bien sûr seront disponibles sur le site. Et t'inquiète pas, Julie, comme je sais que tu es vraiment. Tu es triste de ne pas avoir eu de cadeau, nous t'apporterons bien entendu cette petite mixture. Hein. Je crois que Lob va vomir. Non, rapporte-moi plutôt non, mais vraiment, un vélo. Ça nous fait plaisir. Un truc comme ça, une machine pour faire du sport, quoi. Ben oui, en plus c'est tellement pratique à rapporter ça, tiens. Et je viens effectivement simple de voir la photo de Toff hein, sur Twitter. La classe, et ça fait mal. Ah ben c'est la classe. Attends, on a la classe ou on l'a pas hein. Voilà, en l'occurrence, il l'a pas, effectivement. Bon, si vous voulez aller voir, vous tapez sur Twitter, vous tapez Mickaël officiel et vous nous suivrez comme ça. Voilà, on va revenir dans un instant, nous, avec d'autres défis encore ce matin. On est en direct de Mons, donc c'est au 69 rue de Nimi à Mons, dans une salle de sport. Si vous voulez venir nous rejoindre, eh bien, vous êtes les bienvenus. D'autres défis à suivre dans un petit instant. Et côté musique, bah, restez bien là, puisque nous allons avoir quoi dans un petit instant? Tiens, je n'ai pas regardé, je n'ai pas les sous les yeux. C'est Ina qui arrive dans un instant avec Juan Magan sur Fun Radio. Jeudi 8 décembre, il est 7h41. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h46, faisons un tour du côté de l'infotrafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Bon, sans surprise, ça ralentit évidemment pour rejoindre la capitale, mais j'ai deux bonnes nouvelles. Chaussée libre concernant l'accident sur le ring d'Anvers en direction de Gand, autour de Anvers-Ouest, ouais. Ça recommence à rouler. Et puis concernant l'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Haas, la chaussée est libre aussi, ça recommence à rouler de ce côté-là. Voilà. D'accord, eh ben écoute, c'était déjà pas mal hein. Donc si vous voulez nous rejoindre aussi, d'ailleurs je rappelle qu'on est au 69 rue de Nimi à Mons, qu'il y a des travaux dans la rue, donc si vous voulez il vaut mieux venir par le haut de la rue, voilà. Et puis il y a Steph aussi qui dit quoi, vous êtes en live de Mons, merde, si j'avais su j'aurais encore apporté le petit-déj. Ah oui, merde, alors effectivement c'est vraiment con ça. Bon, bah si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus en tout cas, c'est vraiment dommage. Allez, 7h47, on va enchaîner maintenant avec la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Exactement, la ligne anti-relou comme chaque matin sur Fun Radio, avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0-473-86-00-13. Alors le concept est relativement simple, donc vous laissez ce numéro à tous les relous que vous pouvez croiser en Belgique. Et nous, bah forcément, tous les matins on écoute les meilleurs messages, comme ce message là par exemple. Vous me rappelez au 0474 pour... Oh, il était quand même relativement sympa encore celui-là, ça va. Ça m'est déjà arrivé aussi de laisser un message comme ça en donnant mon numéro de téléphone et en demandant qu'on me rappelle. Donc ça va, on a été un petit peu hard sur le coup. Mais le suivant est pas mal, écoutez-le, c'est parti. Allô ? Bonjour mon père. Allô ? Mon père ? Bonjour mon frère. Bonjour. Allô ? Allô mon père ? Mon père ? Allô ? Allô ? Oui. Donc évidemment c'est un petit peu particulier en fait. Il faut s'imaginer que le mec a téléphoné et laissé son message sur le répondeur en imaginant que c'était encore une vieille cassette le répondeur, où quand à l'époque on appelait sur téléphone fixe, bah on entendait la personne laisser son message en direct et on pouvait choisir de décrocher ou pas. Puis attends, il dit quand évidemment même plus le cas aujourd'hui. Il dit quand même allô mon cœur, s'il a reçu le message, le numéro de l'ami anti-relou, c'est qu'il a vu la personne qu'une seule fois quoi. Donc on dit pas allô, c'est ça, allô une mon fois coeur. Deux fois. Comment, tu n'aimes pas qu'on t'appelle mon cœur Julie quand on ne te connaît pas? Non, pas trop. Oh ben c'est vraiment dommage, tiens. Bon, allez, dernier message pour cette heure-ci, c'est parti. Ah oui, c'est le message en morse. Eh oui, le message en morse. Donc si vous connaissez le morse, hein, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? N'hésitez pas à venir nous le dire d'ailleurs hein, en nous envoyant un petit message au 3044 ou alors sur le mail mickaël@funradio.be. Dans quelques instants c'est Ina, mais avant ça on va bien évidemment se faire la devinette qui colle. On est très en retard ce matin, mais c'est pas grave. Alors écoutez-la bien, poser c'est une question, parfois à la base de poisson, on l'utilise en dissolution et c'est aussi une punition. Qui est-elle? Elle peut également être devinette. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, hein, 6322, il y a des billets d'avion à la clé. Poser, c'est une question. Parfois, à la base de poisson, on l'utilise en dissolution. Et c'est aussi une punition. Elle peut être devinette. Qui... Enfin voilà, si vous avez... Certains la sniffent, mais c'est mal. Ouais. M'étonne pas que t'aies dit ça, tiens. Effectivement, ouais, c'est une bonne idée. Bon, 6322, si vous avez la bonne réponse, donc c'est un euro le message. Bonne chance et on écoute le son d'Ina maintenant et Juan Magan. Momento sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, ouais. Il est 7h52 et... Dans quelques instants, il y aura le son de Rio avec Eugene et Turn This Club Around. Et puis, bah, nouveau défi maintenant, on est avec des auditeurs. Il y a c'est Pierre Baptiste qui est avec nous, avec un prénom très rock'n'roll quand même, faut le dire. Hein, PB comme problème ou comment ça se passe? Non, on me surnomme souvent Piba en fait. Piba, d'accord. Vous voyez, bah, écoute, pourquoi pas, hein, Pierre Baptiste. Et de côté, Toff, deux prénoms difficiles à porter. Très difficile, mais je vais m'en remettre, je vais y arriver. Bah écoute, alors bah, ça c'est pas sûr encore. Donc ils sont sur une machine, puisque je rappelle qu'on est en direct de Mons, donc dans une salle de sport, le Power Gym. Et attends, on a reçu un message qui nous dit la salle de sport d'Elio Di Rupo quand même. Hein. Et, oui, mais c'est comment ça, effectivement, le patron l'avait dit que c'est la salle de sport d'Elio Di Rupo. Attends, notre nouveau Premier ministre. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc, bah, on attend de le voir, j'espère qu'il va passer ce matin, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, hein. Ce serait bien. Donc voilà, le défi de maintenant, donc c'est Toff et Pierre-Baptiste, les auditeurs, qui sont sur un tapis de course, là, je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, c'est un tapis de course. Et donc le but, c'est d'arriver à courir pendant 10 minutes, mais donc il y a le boss qui a mis un peu fort, évidemment, hein, un peu rapide. Mais plus vite. Oh là là, attention, là, il court à combien, là? Il court à rien du tout, là. Plus vite, ça ira très bien comme ça. Et donc le but, c'est d'aller au bout des 10 minutes. Le premier qui s'arrête, évidemment, devra tirer une enveloppe, comme tout à l'heure avec l'op, pour faire un petit défi. Tu mises sur qui, Julie, comme ça, là? Bah, je mise sur Piba. Sur Piba, très bien. Julie est avec toi, Piba. Allez. J'ai bien entendu, Top. Voilà. Voilà, il faut savoir que Piba était très triste que Julie n'était pas là. Ouais, bah, il s'énerve, mais il ferait mieux de garder son énergie pour courir. Bon, et bien, pendant qu'ils sont en train de courir, moi, je vais m'installer et boire un petit verre. Hein. Ça me paraît pas mal. Et puis, je propose qu'on écoute le son de Rio, maintenant. Il y a juste un truc comme ça, quand même, faut le savoir. Toff a un lacet d'effet, donc on est pas l'abri qui se pète la gueule. Et ça, c'est très très bon. Et voilà le son de Rio à l'instant sur Fun Radio. Il est 7h56. Bon réveil tout le monde. Avant de retourner du côté de Toff et de Piba, l'auditeur qui est venu faire un petit défi ce matin pour repartir avec des cadeaux. On va voir. Ils donc sont en train de courir sur une machine puisque nous sommes en direct de Mons, en direct d'une salle de sport. Si vous voulez venir nous rejoindre, 69 rue de Nimy, on vous attend avec impatience. Je vous rappelle d'abord la petite devinette qui colle pour repartir avec, eh bien, tout simplement vos billets d'avion. Posez, c'est une question. Parfois, à base de poisson, on lutte qui en dissolution. Et c'est aussi une punition. Qui est-elle? Elle peut être également devinette qui, voilà. Et puis bah, Julie avait donné un très bon indice tout à l'heure que je vais lui laisser redire d'ailleurs. Eh bien, on peut la sniffer mais c'est mal. Oui, oui, c'est bah, effectivement très mal. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, si vous pensez avoir la bonne réponse, en tout cas, 63-22 pour les inscriptions. Vous envoyez votre message avec la réponse, c'est 1€ le message. Et vous repartirez peut-être avec vos billets d'avion pour proposer de l'alcool. Non, c'est mal de sniffer de l'alcool, mais c'est mal tout court. Hein, donc, et puis, c'est rare qu'on sniffe de l'alcool, je pense, en tout cas. Donc voilà, bonne réponse au 63-22. Allez-y, bonne chance. On vous appelle dans quelques instants pour vous offrir vos billets d'avion. Bon, allez, je retourne vers l'ami Toff et l'auditeur Piba, donc. Mais ça peut être très dangereux, Toff, c'est la première fois qu'il fait du sport de sa vie, donc il pourrait mourir. Mais là. Exactement, mais c'est exactement ça, c'est la première fois qu'ils font du sport, enfin en tout cas Toff. Alors pour l'instant voilà, Toff s'est arrêté, ça y est, hein, il a fait 580 mètres. Ça c'est bon ça. Alors que l'auditeur en 5 minutes était déjà quand même quasiment au kilomètre et il est là, il se balade, il est bien. Ça va en pleine forme, Piba? Exactement, là je m'échauffe en fait, hein. J'ai augmenté progressivement et voilà. J'attends Toff là en fait. Bah il attend Toff, mais je pense que tu vas pouvoir attendre pendant un petit bout de temps. Hein. Bon bah Toff, bah reviens pour le défi puisque forcément un échec total. Hein. Je vais finir par croire que j'ai une équipe de bras cassés puisque l'aube a perdu tout à l'heure, Toff a perdu maintenant. C'est oh pas là là, plus qu'est-ce sportif, que tu veux hein. Mais non, le problème c'est que Julie est restée à la maison, donc l'élite est restée au garage quoi, c'est dommage. Au garage, oui. Si Julie était là, ça m'aurait motivé. Ah bah oui, c'est bah, dommage. Bon, désolé. Toff, bah ouais, ça aurait pu grave la motiver. Alors attention, petit défi, il y a trois enveloppes. Attends, je vais les mettre à l'envers. Ouais, mais trop tard, on voit les deux côtés. Oui, de toute façon. Allez, vas-y, oui, choisis. De toute façon, bon, allez, là, allez, hop. C'est parti, il a tiré l'enveloppe 2. On fera le défi dans un instant, juste après les infos. Alors, défi qui est le suivant? Ah là là. Descendre dans la rue, crier la honte. Attends, c'est quoi? De perdre. Crier la honte de perdre. Oui, oh, bah, ça c'est facile, t'as l'habitude. Ouais, je sais. Oh, ce sera un jeu d'enfant pour lui, ça. Bon, et eh bien le défi dans un instant. On va vous rembourser vos factures également dans quelques instants. Et à 7h59, on revient dans une minute avec les infos de Julie. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier? Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h09h30, sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h. Bon réveil tout le monde, on est en direct de Mons ce matin pour nous rejoindre, 69 rue de Nimi, allez-y. Dans un instant, c'est le défi de Toff, donc, puisque bah, comme il a perdu à la course à pied face à l'auditeur Piba qui est avec nous, bah, forcément, il a un petit défi à faire. On fait ça dans un instant. On va également vous rembourser vos factures, 6322 code fac pour vous les faire rembourser. On revient juste après ça dans 10 secondes avec l'info de Julie. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Allez, 8h01 sur Fun Radio, on est un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. C'est l'heure de passer à l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, les chauffagistes et les poseurs de châssis sont débordés. En cause, la fin des réductions d'impôts pour les économies d'énergie prévues en 2012 dans l'accord du budget. Les clients se précipitent pour passer encore commande dans l'espoir de pouvoir encore bénéficier des avantages fiscaux. Mais tous ne pourront pas être contentés d'après les professionnels du secteur. Mais les clients pressés prennent des risques en s'acquittant du montant total de la facture avant le 31 décembre, ils espèrent bénéficier de la déduction fiscale avec le risque de tout perdre si jamais l'entrepreneur devait faire faillite. Philippe Moreau, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, a été la cible de deux lettres le menaçant de mort. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien La Capitale. Le bourgmestre a refusé la protection de la police. Philippe Moreau voit deux phénomènes pouvant expliquer cette situation en deux. Un noyau dur d'opposants à sa politique d'intégration et un deuxième cercle de personnes, notamment flamandes, qui lui en veulent personnellement. Accord social chez AB InBev, direction et syndicats du groupe ont conclu dans la nuit une convention collective de travail relative aux salaires et conditions de travail pour les ouvriers. Le nouveau Premier ministre Elio Di Rupo assistera aujourd'hui et demain à Bruxelles à son premier sommet européen en tant que chef d'État. Un sommet européen décisif. L'objectif est d'arriver à un accord à 27 pour renforcer la discipline budgétaire. Tout cela sous la surveillance des agences de notation. Et puis après avoir menacé la zone euro lundi, l'agence de notation Standard & Poor's s'en est pris cette fois à plusieurs grandes banques françaises et allemandes dans la zone euro. Chez nous, les banques n'envisagent pas de hausse des prix, répondant aux déclarations du patron de la Fébelfine hier matin. Fortis, Dexia et KBC ont nié vouloir augmenter leurs prix pour faire face à la crise. Pas de hausse pour les services journaliers, mais pour les emprunts, le silence est de mise. En tout cas, Testachat n'y croit pas trop et pense déjà que les consommateurs paieront encore pour la crise. Enfin, en sport, football, en Ligue des Champions, en dernière journée de phase de poule, Lyon, Bâle et Naples sont qualifiés. Les deux Manchester se retrouvent éliminés malgré la victoire pour City et après une défaite humiliante à Bâle pour United. Cette sixième journée a été marquée par le match à Zagreb, puisque Lyon s'est qualifié pour les huitièmes de finale, 7-1. Oui, un truc de fou d'ailleurs, 7-1, c'est quand même pas mal en Ligue des Champions. Il est 8h04 sur Fun Radio, dans un instant, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Mais avant, on écoute la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui, Julie? Eh bien, malgré les éclaircies de ce matin, c'est encore la pluie qui va nous accompagner tout au long de la journée et toutes les régions seront touchées. Bonne nouvelle quand même, les températures iront jusqu'à 12 degrés cet après-midi. Demain, il va faire plus frais et c'est au littoral que les éclaircies s'élargiront en cours d'après-midi. Bah, c'est déjà une bonne nouvelle, effectivement. 8h04 sur Fun. Bon, et on a reçu un petit SMS qui était arrivé au 3044 qui dit « Je serai en retard à la salle ». Oui, bah t'inquiète pas, on est là jusqu'à 9h30, donc t'es à la cool. On est en direct de la salle de sport Power Gym, c'est au 69 rue de Nimi à Mons. Si vous voulez venir nous rejoindre ce matin, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et avant de faire l'info en plus, il y a les factures, évidemment, qu'on va vous rembourser dans un instant. Si vous voulez vous faire rembourser votre facture, sachez que c'est un jeu d'enfant. Il suffit, comme Chantal, tout à l'heure, qu'on a appelé d'ailleurs pour le remboursement de la facture, de nous envoyer le mot « facture » au 6322 par SMS en mettant le montant et l'objet de la facture, comme là 50€ pour un manteau, 107€ pour des frais de gardiennage. Qu'est-ce qu'il y a également? 24,75€ pour la mutualité. Il y a également 35€ pour une montre, 99€ pour un épilateur Silk Epil 7. D'accord, c'est bien ça, Julie, comme épilateur ou pas? Je n'en ai aucune idée, je ne connais pas tous les épilateurs par cœur. Hein. Je n'en ai pas besoin, moi j'ai pas de poils. Parce que Julie, ouais, bah, Julie, elle fait ça avec le couteau, hein. C'est moins cher. Donc, c'est très classe encore ce matin, très très classe. Ah, ouais. Bon, ben ça va. Bon, allez, 6322 code facture avec le montant et l'objet, on vous appelle dans quelques minutes, dans 4 minutes pour être précis. Et avant d'écouter Cobra Starship, pas d'infos en plus alors, Bertrand? Bah, apparemment okay. Pas, Bertrand si a décidé veux. Qu'il allait envoyer là. Pas grave, dans une demi-heure. Hein. D'accord. Ouais, dans une demi-heure, ouais. Oh là là là là là là, sacré Bertrand. Mais heureusement qu'il est là quand même. Allez, Cobra Starship maintenant sur Fun. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, ouais. C'était Cobra Starship à l'instant avec You Make Me Feel. Il est 8h08 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. On est en direct de Mons, 69 rue de Nimis. Si vous voulez venir nous rejoindre ce matin, c'est à Mons, on a une salle de sport avec plein de sports que nous allons pouvoir faire ce matin. Enfin bon, moi pas grand chose, mais en tout cas les autres évidemment. Il y a déjà eu deux défis, évidemment Toff l'a raté, Lob l'a raté. Donc pour l'instant, tout va bien, nous avons une équipe qui déchire. Bon, alors, nous allons appeler maintenant quelqu'un pour lui rembourser sa facture. Vous le savez, tous les matins c'est comme ça que ça se passe, à 7h10, 8h10, 9h10. On vous appelle en direct pour vous rembourser votre facture. Qu'est-ce qu'il y avait comme facture ? Ah tiens, 129€ pour le chapeau de la future mariée. Ah ouais, ça fait cher le chapeau quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également ? 110€ pour l'école, 48€ pour une robe de fête, 63€ pour l'électricité, 50€ pour la mutuelle, 15€ pour une recharge mobile Vikings. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoute, on va appeler maintenant. Là c'est parti, on appelle, on compose. Si la personne décroche, eh bien on lui remboursera cash sa facture. Si elle décroche bien sûr et qu'elle donne la réponse à la question que je lui pose. Allez, c'est parti. Ça sonne, c'est magnifique. Et juste après, il y aura Likili aussi sur Fun. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin ? C'est un radio. Mais oui, bonne réponse. Bravo à toi. Bon, comment tu t'appelles ? Ornella. Ornella, d'accord, ok, très bien. Tu es dans quelle ville, Ornella ? Pardon ? Je dis, tu es dans quelle ville ? La Louvière. De la Louvière, bah c'est pas loin de Mons ça, tu devrais venir nous rejoindre ce non, matin, on est à Mons là en direct. Ah, c'est trop loin, d'accord, je ok, très bien. Bon, il n'y a pas de problème. Je suis au boulot donc. Ah oui, c'est une bonne excuse, Ornella. Bon, on t'appelait pour le remboursement de la facture, c'était pour quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on devait te rembourser ? Mais en fait, j'ai acheté un cadeau, donc une montre, et en fait, elle ne fonctionne pas du tout. Donc voilà. D'accord, bah écoute, pas de problème, hein, tu t'es inscrit pour ça, on va te rembourser ta montre. Il n'y a pas de souci, on est là. Tu vas rester dans le standard et puis on va te rappeler cet après-midi pour t'expliquer comment ça se passe. Comme on n'est pas en direct de la radio, on te rappellera tout à l'heure, d'accord ? Mais je t'en prie, gros bisous à toi, on est là et bonne journée. À bientôt. Et dans un instant, c'est le défi de Toff puisqu'il a raté. Enfin, c'est le défi, ouais, c'est le gage de Toff puisqu'il a raté son défi dans la salle de sport il y a quelques instants. Nous allons, juste après la pause, aller faire un tour à l'extérieur, donc salle de sport, pour faire ce défi. Il doit crier à tout Mons que c'est un loser. Nous ferons ça dans un petit instant. Il devrait réussir, je pense, au la main. Il y aura l'horoscope également et Likili, I Follow Rivers, qui arrive juste après la pub sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio, 8h13. Dans un instant, le son de Likili et nous avons Toff qui est à l'extérieur maintenant. Allô, allô, Toff, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, je suis dans la rue. Donc voilà, ça y est, je suis prêt à expier ma faute, à parler, à avouer mon péché. Oui, à te taper la honte, puisque je rappelle que tu avais un défi à faire, que tu as échoué à ce défi dans la salle de sport. C'est et que forcément, le défi, enfin le gage, plutôt que tu as tiré. Bah, et bah c'est, voilà, c'est donc en l'occurrence de taper la honte. Voilà, et donc là, les gens me regardent bizarrement avec mon petit short, mon magnifique haut-le-corps bleu. Et donc, c'est bizarre, tiens. Je vais avouer la vérité. Hein. Je suis un loser, j'ai perdu contre l'auditeur. À la course à pied, je suis très mauvais. Je suis le plus mauvais de la Terre. Voilà, personne ne peut être plus mauvais que moi. C'est pas mal. Je suis très très mauvais, je fais peur aux gens en plus dans la rue, donc... Voilà, je tenais à le dire, j'ai perdu, je suis un loser, je l'admets. Mais c'est bien, c'est pas mal. Tu remarqueras, Julie, qu'il crie moins que d'habitude. Hein. Bah oui, bizarrement, effectivement. De quoi ? C'est bizarre, hein, tu sais. Bah que tu cries moins que d'habitude, en fait. Tu sais, d'habitude, quand tu fais la promo d'émission, tu gueules pas mal et là, tu la mets plutôt discret, quoi. Oui, je sais que les gens m'entendent pas trop, même si au final, avec la télé, je porte, tout le monde me regarde. Donc, ouais, c'est ça. J'ai perdu, je suis mauvais. Regardez-moi, je suis le plus mauvais. Ouais, c'est pas mal de s'auto-flageller comme ça. Ouais, les gens me regardent vraiment bizarrement. Mais attends, t'as vu comment t'es sapé aussi. Évidemment qu'ils te regardent bizarrement. Je crois que je fuis si je m'en mets comme ça dans la rue. Je me trouve très sexy dans cette petite tenue. Mais ça ne m'étonne pas parce que nous n'avons pas les mêmes goûts, tu vois. Donc ça ne m'étonne vraiment pas. Je sais bien, Julie, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bon, écris, Toff, avant d'envoyer le son de Likili, crie un bon coup. Tu dis, voilà, je suis mauvais. Et dès demain, 6h dans l'émission, Julie pourra me fouetter. Je suis mauvais et dès demain sur Fun Radio, Julie pourra me fouetter, tel le loser que je suis. Ok, c'est noté. Bien. Voilà, tu vois. Julie, je t'aime. Julie, tu pourras prendre le petit fouet. Hein. Je vais demander le fouet de Saint-Nicolas. Bon, ben voilà, Toff, tu peux revenir. Demain, et reviens également avec Doudou pour faire l'horoscope. Écoutez pas le radio dès demain. Je serai violenté, telle une merde. Non, non, mais attends, en exagérant rien aussi. Tu es déjà pardonné. Ah, là, l'outil dans son délire, SM, là, c'est dégueulasse. Il est parti, il est loin, il est déjà très très loin. Voilà. C'est clair. Bon allez, 8h16 sur Fun Radio. Dans un instant, l'horoscope avec l'ami Doudou. Et on écoute maintenant le son de Likili sur Fun Radio. C'est I Follow Rivers. Bonne matinée sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. C'est l'horoscope sur Fun Radio à 8h18. Bon réveil tout le monde si vous voulez nous rejoindre. Nous sommes ce matin en direct de Mons, de la salle de sport qui se trouve donc au 69 rue de Nimy. Ça se passe à Mons donc, et nous allons faire l'horoscope maintenant avec les béliers, Doudou. Hein. Ah oui, oui, je suis là, je pousse la fonte là. Bah oui, alors doute. Les béliers, pardon, oui, je vois que vous en foutez ce que je raconte. Oui, bah surtout alors, que votre corps n'est pas non plus le plus beau du beau, quoi. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas vous laisser dire ce genre de choses. Mais c'est pas grave. Bon, alors, allez, les béliers, Doudou, les vous racontez votre vie. Une nouvelle vous surprend et vous ouvre des portes. Des nouvelles possibilités, pardon. Très bien, les taureaux. N'exigez pas plus de votre entourage que ce que vous ne pouvez faire vous-même. Ben oui, forcément, les gémeaux. Ah oui, tant que je le dis. Les gémeaux, même en faisant du sport, vous devriez veiller à faire des pauses. Celui-là, je l'ai mis exprès parce qu'on venait ici. Ça m'étonne pas, effectivement. Les cancers. Cette journée va éclaircir quelques fronts. Sachez faire la différence entre amis et adversaires. Je vais essayer, Doudou. Votre situation est bonne pour Ah ouais, ouais, ouais. Attendez, Doudou, parce qu'effectivement, qu'est-ce que t'as dit, Julie ? Mais que j'allais essayer, tout simplement, de suivre les conseils de Doudou. Ah, que tu allais essayer ? Oh, oui. Voilà. Bah oui, bah écoute, essaye de suivre les conseils de Doudou. Moi je le fais chaque matin et chaque matin c'est un drame. Enfin bon. Mais ça, je n'y peux rien si vous n'avez pas de bonne étoile. Ça doit être ça, ouais. Bon, allez, les lions, Doudou. Allez, lions, votre situation est bonne pour débuter de nouveaux projets. Les vierges. Dans le courant de la semaine, vous risquez d'avoir une dispute avec votre chef. Vérifiez votre travail. Les balances. Le augmente votre envie de vacances ou pause. Ne vous découragez pas, c'est bientôt fini. Ah, vous avez été un petit peu buggé là, Doudou. Ah, je disais que donc ne pas se décourager parce que c'est bientôt fini. Pour les scorpions, c'est une bonne idée qui va venir enfin. Grâce à une bonne idée, vous allez enfin être honoré, vous pouvez enfin vous imposer. Les sagittaires. En ce moment, vous ne connaissez pas le grand amour, oh malheureux. Attendez encore un peu et ne perdez pas courage. Bah oui, il vaut mieux pas perdre courage, cela dit. Oui. Les capricornes. Bientôt, vos chances financières vont s'améliorer. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle, tiens. Les verseaux. Ne vous faites pas d'idées fausses, vous êtes dans un cul de sac professionnel. Bon, et pour terminer, les poissons. La passion et l'amour sont au premier rang. Même si vous le souhaitez, vous ne pourriez pas leur échapper. D'accord, ok, très bien. Merci Doudou en tout cas. Vous revenez dans une heure, vous avez déjà levé un peu de fonte là ? Ah, bien sûr, là je suis à quoi ? 200 kilos ? Ah oui, quand même, 200 kilos. Ah oui, oui, oui, c'est pas mal. Bon, dans un instant, je vous rappelle la devinette qui colle. Et puis, nous allons maintenant écouter le son de Beyoncé sur Fun Radio. C'est Love on Top. C'est un très très bon morceau qui fait très années 80, un petit peu Swing Out Sisters pour ceux qui ont eu l'occasion de connaître. 8h21, bonne matinée sur Fun. Mickaël à la radio sur Fun Radio. Exactement, on est en direct ce matin d'une salle de sport avec des auditeurs qui sont là, deux filles, un garçon. Comment tu t'appelles ? Sarah. Sarah, très bien. Toi, comment tu t'appelles ? Alors, il faut savoir aussi que celle qui. Comment tu t'appelles ? Amandine. Amandine nous a apporté le petit déj, donc ça c'est cool, hein, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Julie, on va te garder un truc, hein, t'inquiète pas. Hein. Y a pas de soucis. Julie est partie. Elle nous a quitté. Ah, d'accord, ok. Écoute, très bien, c'est une bonne chose. Merci Bertrand. Ah, voilà. T'as vu, donc je disais qu'on allait te ramener un petit bout du petit déj. Hein. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que sinon on n'a rien. Donc 33 avenue Télémac, hein, aussi à Bruxelles, hein, si jamais. Ah ouais. Tiens, ça c'est vraiment ballot ça. Et toi, donc dernier auditeur, comment tu t'appelles ? Pierre. D'accord. Alors ils sont sur des machines de torture. En général, on a utilisé ces mêmes machines pendant la guerre. Donc le concept, donc, c'est que on a mis beaucoup de poids chez le garçon, un peu moins chez les filles évidemment. Le concept est relativement simple. Il suffit simplement de tirer. Tu vois les machines où il y a une espèce de grande barre tout en haut et il faut la faire descendre, la faire monter, la faire descendre. Tu vois un peu le délire ? Ouais, c'est difficile. Tu dis ou pas ? Ouais, c'est difficile. Donc le but, c'est qu'on a mis du poids là-dessus et donc ils vont tous les trois devoir tirer là-dessus et le laisser avec la tension dans les muscles pendant que je leur pose une question. Pire. Si ils répondent mal, oui je sais. S'ils répondent mal, bien évidemment ils perdent. S'ils répondent bien, tout en gardant évidemment la tension, eh bien ils peuvent continuer à aller jusqu'à la question suivante. Alors attention, vous êtes prêts ? Attention, on y va ? Vous êtes prêts ? Vous tirez bien ? Voilà. C'est bien. Je trouve ça quand même vachement bien de voir les gens travailler pendant que toi tu fous rien. Ouais, j'allais dire une fois de plus que tu fous rien. Ce serait peut-être temps que tu te mettes au défi aussi. Ouais, mais bon, là, j'ai piscine tout à l'heure, donc je j'hésitais. Donc voilà, tu vois les gens, ils sont là en train de tirer et t'as envie de te dire, bah, c'est facile, oh là là, elle va déjà arrêter. Mais oui, ça là. A l'air très très simple. Alors que quand même, c'est un jeu d'enfant, mais oui. Bon, alors. T'as pas encore posé de question, il a déjà du mal à le tenir. Bon, première question. En quel super-héros se transforme Clark Kent? Superman, c'est une bonne réponse. Non, chacun son tour. Deuxième question. Combien de fois faut-il tourner sa langue dans sa bouche? 7 fois, bonne réponse. Dans Sex and the City, quel est le métier de Carrie? Bof. Eh ben voilà, t'as perdu déjà. Ça commence bien, on a perdu le mec. Hein. Il reste plus que les deux filles là maintenant. Hein. Évidemment, girl vrai power. Ben ouais, girl power, t'as raison, ouais. Vrai ou faux, un Megastore est un très grand rideau déroulant? Faux, oui. Plus vite, effectivement. Comment s'appellent les œufs de l'esturgeon? Ça coûte très cher. Pas. Eh ben voilà, celle qui nous a apporté le petit déj a perdu, c'était du caviar et enfin, bon, il en reste une, mais pour le principe, comment s'appelle le Père Noël aux États-Unis? Santa Claus ou Santa Monica? Santa Claus. Eh oui, quel magnifique, bravo! Nous avons donc une victoire, hein. Ça y est, ce n'est pas l'homme, hein. Lui il a perdu déjà. Bah non, c'est évidemment tour, hein. La fille qui a gagné. Affaire. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais ce que tu as gagné? Non. Tu vois l'homme qui est devant toi? Lequel? Celui avec des couleurs un peu particulières. Le plus beau, enfin. Le plus beau, ouais. Hein? Oui. Il te plaît physiquement? Non. Non. Bon bah voilà. Donc bah, tu avais gagné Toff, c'est bien malheureux. Hein. T'imagines Julie, tu refuses son moi. Cadeau? C'est une honte. Ah je comprends pas. Refuser un Toff, franchement, ça bah, je comprends pas. Bah c'est ça. Franchement, je suis choqué moi. Les gens ont alors trop de luxe. Il y a un moment, faut quand même pas déconner quoi. C'est dingue. Oh là là là là. Enfin bref. Bon, te rassure-toi. Du coup, personne n'est parti avec ton Toff, Julie. On te le ramènera demain. Mais oui, mais ouf, alors là je suis rassurée. J'imagine. Bon, on va revenir dans un instant. Il y aura d'autres défis ce matin avec d'autres auditeurs également. Venez nombreux au 69 rue de Nimi à Mons. On est en direct jusqu'à 9h30. Et puis bah, dans un instant, c'est l'info qui va arriver justement avec Julie sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est monsieur Tombola. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Il est 8h29 sur Fun Radio. Bonjour et bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la devinette qui colle qui vous permettra dans un instant de repartir peut-être avec vos billets d'avion. Écoutez-la bien. Poser, c'est une question parfois à la base de poisson. On l'utilise en dissolution et c'est aussi une punition. Qui est-elle? Elle peut être également devinette. Voilà, c'est ça, hein, comme le jeu. Par exemple, la devinette qui... voilà. Ou alors, comme Julie l'avait dit tout à l'heure, on peut la sniffer, mais bien évidemment, c'est mal de le faire. N'est-ce pas, Julie? C'est oui, très, c'est très, très, très mal. Très très mal, ce n'est pas bien. Bon, allez, si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message, mais il y a quand même des billets d'avion qui sont à gagner. Si vous le voulez, il n'y a pas de souci. On me signale que la mini vient d'arriver également pour le défi qu'on fera tout à l'heure, c'est-à-dire rentrer un maximum de personnes, c'est-à-dire 26 pour bien faire. Dans une mini, on fera ça tout à l'heure. Voilà, 8h30 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, les chauffagistes et les poseurs de châssis sont débordés. En cause, la fin des réductions d'impôts pour les économies d'énergie prévues en 2012 dans l'accord du budget. Les clients se précipitent pour passer encore commande dans l'espoir de pouvoir encore bénéficier des avantages fiscaux, mais tous ne pourront pas être contentés d'après les professionnels du secteur. Et les clients prennent en plus des risques en s'acquittant du montant total de la facture avant le 31 décembre. Ils espèrent ainsi bénéficier de la déduction fiscale, mais avec le risque de tout perdre si jamais l'entrepreneur devait faire faillite. Philippe Moreau, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, a été la cible de deux lettres le menaçant de mort. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien La Capitale. Le bourgmestre a refusé la protection de la police. Philippe Moreau voit deux phénomènes pouvant expliquer cette situation tendue. Un noyau dur d'opposants à sa politique d'intégration et un deuxième cercle de personnes, notamment flamandes, qui lui en veulent personnellement. Le bourgmestre évoque une véritable campagne de dénigrement à son encontre en Flandre. Accord social chez AB InBev, direction et syndicats ont conclu dans la nuit une convention collective de travail 2011-2012 relative aux salaires et conditions de travail pour les ouvriers. Le nouveau Premier ministre Elio Di Rupo assistera aujourd'hui et demain à Bruxelles à son premier sommet européen en tant que chef d'État. Un sommet européen décisif et sous tension. L'objectif l'objectif est d'arriver à un accord à 27 pour renforcer la discipline budgétaire de la zone euro. Tout cela sous la surveillance des agences de notation. Et puis, après avoir menacé la zone euro lundi, l'agence de notation Standard & Poor's s'en est pris cette fois à plusieurs grandes banques françaises et allemandes de la zone euro. Chez nous, les banques n'envisagent pas de hausse des prix, répondant aux déclarations du patron de la Fébelfin hier matin. Fortis, Dexia et KBC ont nié vouloir augmenter leurs prix pour faire face à la crise. Pas de hausse pour les services journaliers, mais pour les emprunts, le silence est de mise. En tout cas, Testachat de son côté n'y croit pas trop et pense déjà que les consommateurs paieront encore pour la crise. Et puis enfin, en sport football, en Ligue des Champions, en dernière journée de phase de poule, Lyon, Bâle et Naples sont qualifiés. Les deux Manchester se retrouvent éliminés malgré la victoire pour City et après une défaite humiliante à Bâle pour United. Cette sixième journée a été marquée par le match à Zagreb puisque Lyon s'est qualifié pour les huitièmes de finale, 7 buts à 1. Eh oui, 7-1, truc de fou là. 8h32 sur Fun Radio, le défi avec la mini, c'est avant 9h, donc venez nous rejoindre au 69 rue de Nimi à Mons, voilà, donc n'hésitez pas à venir. Et puis avant d'écouter Pitbull et Marc-Anthony, on se fait un tour du côté de la météo maintenant avec Julie. Eh bien, malgré les éclaircies ce matin, c'est encore la pluie qui va nous accompagner tout au long de la journée et toutes les régions seront touchées. Allez, quand même, la bonne nouvelle, il va faire doux aujourd'hui, jusqu'à 12 degrés cet après-midi. Demain, il va faire plus frais et c'est au littoral que les éclaircies s'élargiront en cours d'après-midi. Eh ben très bien, voilà, comme ça vous savez tout au niveau de la météo. Il est 8h33 et avant d'écouter donc Pitbull avec Marc-Anthony et Rain Over Me, nous allons maintenant faire un tour du côté de l'info en plus. Quelle est l'info en plus, Julie? Alors j'ai une moitié bonne nouvelle. La Belgique est 13e dans la lutte contre le réchauffement climatique. Notre pays a gagné 4 places, donc c'est quand même bien par rapport au dernier classement du Climate Change. Le seul truc qui est ennuyant, c'est qu'on est 13e, quoi. C'est 13. Ouais, c'est ça, donc c'est pour ça que je dis moitié. Ça peut porter la poisse, quoi. Voilà, moitié. Oui, non, c'est surtout qu'il faut faire plus d'efforts. Donc c'est donc le classement du Climate Climate Change Performance Index qui calcule les efforts climatiques fournis par l'ensemble des 58 pays les plus polluants. Donc nous, la Belgique, on a gagné 4 places, on est 13e cette année. Le classement est dominé par la Suède, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais en réalité, en fait, le classement contient 61 pays car les 3 premiers sont symboliquement vides. Les 3 premières places sont symboliquement vides. De cette façon, les organisations environnementales, en fait, veulent démontrer qu'aucun de ces pays ne fournit assez d'efforts pour éviter le stade critique du réchauffement, soit une augmentation de 2 degrés. Très bien, ouais, d'accord, ok. Ouais, il y a encore du travail, ça c'est clair. D'ailleurs, on a entendu il n'y a pas longtemps, effectivement, on a cette année encore pollué plus alors qu'on était censé polluer moins. Donc on va voir comment ça va se finir. On va tous mourir, ça va être horrible, hein, dans d'atroces souffrances. Merci pour cette bonne nouvelle, Mickaël. Ça fait plaisir à entendre de grand matin. Bon, les 8h34 sur Fun Radio, le retour de la Divinity Call dans un instant, le défi avec la mini en direct de Mons dans un instant aussi. Et Pitbull qu'on écoute tout de suite avec Marc-Anthony, c'est Rain Over Me sur Fun Radio. Le son de Pitbull à l'instant sur Fun Radio. Pitbull avec Marc-Anthony, c'était Rain Over Me. Il est 8h37 sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. Dans un instant, on va essayer de faire le défi. On est en direct de Liège. Petit défi que nous allons tenter de faire d'ici quelques instants, c'est-à-dire monter à plus de 26 personnes dans une mini. Voilà, on nous a prêté une mini. On va essayer de battre le record. Le record est de 26. On va essayer d'être 27. Donc si vous êtes rue de Nimi au numéro 69, eh bien passez nous voir. Il y a une mini devant la porte. Donc évidemment, vous êtes les bienvenus hein, si vous voulez tenter de battre ce record. Encore justement avec tous les auditeurs de Fun qui sont ici présents. Bon, vous le savez, tous les matins aux alentours de 9h-20, il y a Julien Dorien qui officie tous les soirs dans l'émission des vannes dans la tribu entre 17h et 20h, qui est un peu un grand journaliste en fait hein, qui est toujours au taquet, bien évidemment, toujours là où il se passe quelque chose. Je propose de réécouter maintenant Julien Dorien sur Fun Radio. La police de la zone DAT a interpellé plusieurs personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants. À la suite de cette opération policière, il y a plusieurs dealers de la région DAT et de Lessines qui ont été placés sous mandat d'arrêt. Alors Julien Derien, comme d'habitude, a enquêté. C'est notre journaliste d'investigation. Vous avez donc été voir ce qui se passait sur cette affaire, Julien, hein ? Oui, visiblement, ils sont 5 et cela fait quelques années qu'ils vendaient de la marijuana, ce qui ne les empêche pas d'être des garçons très gentils et serviables. Enfin, je suppose. Hein, je pense qu'il ne faut pas être trop dur et leur laisser une seconde chance. Après tout, ce sont des enfants, il ne faut pas les accabler. À vrai dire, Julien, le plus jeune, il a 22 ans. Hein. Oui, je sais. Enfin, je sais. Ah bon ? Moi qui pensais mettre ça sur le dos de l'insouciance. Oui, enfin, ils ont quand même tout de même vendu de la drogue à un mineur. Hein. Attendez, ça vous choque pas ? Je vous dis que ces gens ont vendu de la drogue à un mineur et vous dites rien. Si, pardon, j'avais pas compris. Vous pouvez répéter ? Ils ont vendu, Julien, de la drogue à des mineurs. Mon Dieu, mais c'est pas vrai ! Oh, c'est une honte. Bah, vous savez, Van, notre monde se perd. Ça va, ne rajoutez pas trop non plus, Julien, faut pas exagérer. Hein. Oh, ça va, au moins le mineur il cassera moins les couilles à sa mère. Mais dites-moi Julien, j'ai comme l'impression que vous les connaissez ces gens-là. Allô, ça capte mal. Julien, oui. Faites pas le coup du tunnel parce que je vous appelle sur Running Fix là. Ah pardon, oui. Non mais je les défends pas, c'était juste une bande de potes, quoi. Vous les avez rencontrés dans quelles circonstances, votre bande de potes? Un concert de reggae. Vous étiez client, Julien, hein, c'est ça? Moi, client? Mais vous êtes malade, je vous permets pas. Quelle grave insinuation vous faites là? Enfin, ceci dit, si quelqu'un a une bande de potes à me présenter, c'est avec plaisir, parce que disons que là, moi, j'ai vraiment besoin de potes, quoi. Ah, j'ai pas vu de potes depuis une semaine, je suis bien en galère. Ok, on a compris le truc. Allez, merci, Julien. De rien. Eh ben voilà, Julien, de rien. Tous les soirs, c'est entre 17h et 20h que ça se passe. Ça se passe dans la tribu des vannes. Voilà, si vous ne connaissez pas encore, sachez qu'il y a également Noémie ou encore Monsieur Milan qui officie à côté des vannes tous les soirs. Vous le savez maintenant. Dans quelques instants, on vous remboursera vos factures aussi. C'est dans 20 minutes. On appellera quelqu'un en direct pour la devinette qui colle. Je vais vous la rappeler une dernière fois. Tiens, si vous voulez repartir avec vos billets d'avion, écoutez bien la devinette. Poser, c'est une question, parfois à base de poisson. On l'utilise en dissolution. Et c'est aussi une punition. Elle peut être également devinette, comme ce jeu, hein, qui est donc la devinette qui... voilà. Ou alors, on peut la sniffer, mais évidemment, c'est relativement mal. Il ne faut pas faire ça, bien sûr. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, 1 euro le message. On vous rappelle dans un instant pour vous filer vos billets d'avion. On parlera du trafic également avec Julie dans un instant. Et on revient juste après ça sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h45, bon réveil tout le monde. Tiens, il y a plein de messages qui arrivent par rapport à la réponse à la devinette qui colle. Ça tombe bien, on va en parler dans un instant, mais avant cela, faisons un tour du côté de l'infotrafic avec Julie. Soyez prudents, il y a un objet encombrant sur le 25 Liège en direction de Bastogne-Neuchâteau à hauteur de Hambourg, c'est donc en direction du Luxembourg. La bande de droite est obstruée par des planches en bois, donc c'est assez dangereux. Et puis accident sur la 12 Bruxelles en direction de Anvers à hauteur de Arcelard, en direction donc bien de Anvers, je viens de le dire. Bande de gauche obstruée juste avant le carrefour avec l'Atomium LAN. Et puis aussi, je vous rappelle qu'il y a un sommet européen à Bruxelles aujourd'hui et demain. Donc le tunnel Reyes sera fermé à la circulation cet après-midi. Puis on évite évidemment le quartier européen. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et je disais donc, si vous êtes éventuellement aussi coincé dans un embouteillage, n'hésitez pas à nous le signaler. Si vous voyez un radar ou si vous voyez un bouchon, un accident, bref, vous nous envoyez votre message pour prévenir les autres auditeurs de Fun. C'est ce qu'on appelle la Fun Solidarité. 3044 par SMS ou alors vous m'envoyez un petit mail mikl@funradio.be. À 8h46, avant de faire le défi dans un instant en direct de Mons au 69 rue de Nimy devant la salle de sport Power Gym, le défi de la mini où on va essayer d'être plus de 26 dans une mini. On écoutera aussi Jason Derulo. Nous allons évidemment passer à, eh ben oui, forcément la ligne anti-relou, les meilleurs relous de Belgique qui sont là tous les matins. Et grâce à un seul numéro, le 0473 86 00 13, on va écouter maintenant le premier message. Écoutez. Oui Mickaël, voilà, pour t'avoir au téléphone, évidemment c'est impossible, donc moi je vais juste dire ton émission, allez, ça va le matin, ça va le soir, ça déchire, mais franchement, débarrasse-toi de Julie, quoi. C'est fort sympathique. Je remercie cet auditeur et je lui fais plein de gros bisous. Mais oui, mais exactement, tu embrasses tout le meilleur, même ceux qui ne t'aiment pas, et c'est ça qui est beau. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou, le 0473 86 00 13, on écoute. Oui, bonsoir Vanessa, je m'en suis dérangé, je suis l'ami de Dorothée et de Johan. C'est Dorothée qui m'a donné ton numéro de téléphone pour que je te contacte. Je te recontacterai. Ça va? Ben, une bonne soirée et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Bon, ça allait encore, il n'avait pas l'air spécialement relou. Bon, c'était une rencontre arrangée entre un couple d'amis qui a rencontré quelqu'un d'autre, enfin tu vois, qui a donné le numéro à quelqu'un d'autre, donc un peu bancal quand même, mais bon, ça va, il n'avait pas l'air trop relou, quoi. T'aurais peur, Julie, d'un mec comme ça ou... Bah, pour l'instant, il ne fait pas trop peur, mais s'il a reçu ce numéro, je me dis qu'il y a quand même une raison derrière tout ça, donc je me méfie. Bon, c'est peut-être un couple d'amis qui se dit, ah tiens, regarde, on va se marrer avec Roger, là, on va lui donner ce numéro de téléphone là et on va se marrer. C'est bien possible, cela dit. Bon, allez, dernier message laissé sur la ligne anti-relou, on écoute. Radio. Ici c'est Nora de Martinette. Ouais. Un bisou à toutes les personnes qui me connaissent. Et écoutez Fun Radio, c'est super génial. Wouh. Ouais. Wouh. c'est génial. Bon, bah, par contre, c'est le numéro d'Annie Antirelou. C'est... Oui, mais enfin, c'est pas le numéro des dédicaces, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais il est bien tombé. Bon, hein, c'est... Ah oui, oui, non, mais il est bien tombé parce qu'au final, il est arrivé où il devait arriver. On est d'accord, effectivement. Ah, on nous signale un flash chaussée de Gilly à Châtelineau. Ça vient d'arriver au 3044. Merci à la personne qui nous a informé de ça. Et puis le retour de l'Annie Antirelou, ce sera tout à l'heure. Non, ce sera demain. Oui, je m'emballe, moi. Ce sera demain, bien sûr, à partir de 6h en direct sur Fun Radio. L'Annie Antirelou, c'est le 0473 86 0013. Le gagnant qui repartira avec ses places de. Enfin, ses billets d'avion, en fait, tout simplement. C'est dans quelques instants sur Fun Radio. Et on écoute Jason Derulo tout de suite, c'est Hit Girl sur Fun. Bonne matinée. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Exactement, et on est direct donc de l'extérieur. Là, cette fois-ci, on est sorti de la salle de sport. C'est bon, on a fait assez de sport comme ça. Je pense que demain, tu ne nous reconnaîtras plus, Julie, tellement ah, nous allons être musclés. De voir ça, j'ai vraiment. Tu vas hâte. Voir, tu vas voir mes tablettes de chocolat. Ça, je, oui, un c'est truc ça, bien de dingue. Sûr, ouais. Ouais. Ah ouais, mais tu vas voir, ça va être une tuerie. Bon, nous sommes dehors, donc parce qu'il y a le défi avec la Mini, nous avons la Mini, d'ailleurs, belle Mini, hein, c'est vraiment dommage dans l'état où elle va terminer, c'est vraiment dommage. On fera des photos, là, une belle et vitre teintée, toute noire, les jantes noires et tout. Franchement, elle tirait bien, Julie, à la place de ta poubelle, là. Oui, ça c'est sûr, je crois que n'importe quoi à la place de ma pauvre voiture, ça m'irait très bien. Hein, toute cassée, là, alors que celle-là est dans un état nickel, et siège en cuir bah, et tu tout. Peux me la ramener, alors, vraiment, hein. Tu serais bien dedans, hein. Ouais, bah écoute, je vais négocier, mais je vais négocier. Bon, alors pour l'instant, on arrive à être combien là dans cette voiture là? Je m'approche de la voiture, donc je traverse la rue. Bon, Toff, on est combien là? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 8, 9. On est 9 pour le moment. Ouais, on est 9, alors tu devrais voir la gueule de la voiture, elle est déjà quasiment, elle touche quasiment le sol, donc sans prendre trop de risques, je suppute que nous n'y arrivons pas. Hein, ouais, c'est... Il faut organiser tout ouais, ça c'est compliqué. Un peu comme Tetris, tu vois, tu dois bien plier les personnes en deux, ah ouais, les mais... mettre. Il faut un peu d'imagination, les gars. Ouais, ouais, non, mais c'est pas le problème, c'est juste que pour l'instant, l'aube n'est même pas encore dedans. Si tu imagines bien ah le concept. Ah oui, non, mais laisse tomber, on ne rentrera pas. Ah ouais, ouais, ah bah non, mais je te confirme qu'il n'y aura plus de place. Hein. Donc là, ils sont combien derrière? Parce qu'il y a des gens quand même, ils ont les comment dire, les pieds dehors de la vitre. Hein. Donc la vitre est abaissée, on a gagné avec ah ça. Ah, mais c'est un peu triché ça, non? Non, non, non, non. Vous êtes bien dedans ou pas là? Ouais, ils sont bien installés. Vous êtes prêts pour aller jusqu'à Marseille? Ouais, en même temps, c'est celui qui est au volant hein, qui a dit à l'aise, hein, parce qu'il a un peu rien à foutre de ceux qui sont derrière. Ah, c'est vraiment dommage, hein, Julie. Hein, ça, c'est. Mais attends, celui qui est au volant, tu vas le mettre quelqu'un sur ses genoux. Hein, attends, il faut. Ah ben non, mais bien sûr, évidemment. Non, mais t'aurais pu gérer, parce que bon, évidemment, on sait qu'une fille ça gère mieux qu'un mec, c'est clair. Ah oui, t'aurais pu jouer à Tetris avec tout le monde là. Avec question organisation, oui, ça aurait été mieux. Ça c'est évident. Bon, malheureusement là. Venez les filles. Allez, venez. Voilà. Allez, on va réussir. À mon avis, je pense qu'on dépassera pas les 12. Hein. On est quand même loin du compte. Hein. On est très très loin du compte là. T'avais parié dessus. Je suis désolé, Julie. Hein. Bah, écoute, désolé de te moi décevoir. Je le savais, hein. Mais non, je sais pas que du tout. Parié, mais bon, malheureusement, c'est un échec. Bon, bah, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave. Tant pis. On retentera à la prochaine des locs. On essaiera d'avoir une voiture un peu plus grande. Quoi, pour c'est mettre fini plus de là. Monde, on pousse bon, pas plus. Ce que je propose, c'est qu'on s'écoute Robert Abigail maintenant, et puis bah, on revient dans un instant avec la réponse à la devinette qui colle sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, c'est effectivement ça, je fais ce que je peux. Il est 8h57 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, et puis bah bon courage à hein, ceux qui vont sortir. Là on est toujours à Mons d'ailleurs, on est sorti là pour faire le défi de la Mini, hein, qu'on a malheureusement raté, c'est dommage, hein, on n'est pas bon, hein, c'est des choses qui arrivent. Et donc je peux vous dire que ça caille, effectivement. Alors, message qui est arrivé aussi, je suis au pas sur l'échangeur de Longsaint du Briège. Je sais pas jusqu'à où ça va. Oui, bah bon courage à toi aussi, bon courage à ceux qui sont dans les bouchons actuellement. Ça va se résorber, ça va aller. 8h57, c'est en général là que ça commence tout doucement à aller mieux. On appelle maintenant quelqu'un pour la devinette qui colle, et on va appeler Sandra maintenant en live and direct. C'est parti. Ali. Alors attention, la devinette, c'est pour la devinette qui voilà. Vous verrez pourquoi je ne vais pas plus loin. Allez, Sandra décroche. Peut-être deux vidéos. Allô Sandra? Oui. Bonjour Sandra, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio. Je t'appelle pour la devinette qui colle et peut-être pour t'offrir deux billets d'avion, Sandra. Tu es prête? Oui. Parfait, alors écoute bien. Poser, c'est une question, parfois à base de poisson, on l'utilise en dissolution et c'est aussi une punition. Qui est-elle? De la colle. Ben oui, c'est la colle, car évidemment, la devinette qui colle, et puis la colle, c'est pas bien, on peut la sniffer, certes, mais ce n'est pas bien. Bref, quoi qu'il en soit, Sandra, bravo à toi, deux billets d'avion, c'est pour toi. Voilà, mais écoute, il n'y a pas de problème. À un moment, je me suis dit, bon, bah, elle s'en fout, elle a raccroché, c'est pas grave. Hein. Bon, bah, très bien, félicitations, Sandra. On va te rappeler cet après-midi en revanche, parce que comme on est en direct de Mons, tout ça, on n'a pas le standard à portée de main, donc on t'appellera cet après-midi pour t'expliquer tout ça, d'accord? Ok, parfait, merci. Allez, gros bisous et passe une bonne journée. À bientôt, Sandra. Et dans un instant, nouvelle devinette qui colle pour repartir peut-être encore une fois avec vos billets d'avion. On fait ça dans un instant, le temps de se faire une courte pause et on revient avec l'info de Julie juste après ça. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 9h, bonne matinée tout le monde. Dans un instant, remboursement des factures, c'est la dernière fois en plus ce matin, donc bah maniez-vous hein, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture cash. Vous envoyez un petit message au 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On appellera peut-être chez vous d'ici quelques instants. Tiens, comme là, 58,79€ pour l'hôpital, 48€ pour une robe de fête, 63€ pour l'électricité, la mutuelle, 50€ également, etc. etc. si vous voulez. Donc on vous appelle pour vous rembourser votre facture, et bien vous nous envoyez un petit message maintenant au 6322. Mettez facture en début de message avec le montant et l'objet de la facture. Et puis dans 10 secondes, on passe à l'info sur Fun Radio avec Julie. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Il est 9h01 sur Fun Radio avec un petit peu de retard, mais c'est pas bien grave. L'info maintenant avec Jolaï. Bonjour à tous. Dès 2012, il y aura 30% de contrôle antidopage en plus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les effectifs passeront de 5 médecins actuellement à 30, ce qui permettra de réaliser 1500 contrôles par an. Les futurs contrôles concerneront principalement toujours les pros, mais les amateurs ne seront pas en reste. Ces contrôles devraient cette fois s'accompagner de sanctions. Actuellement, certaines fédérations sportives, notamment dans le bodybuilding, ne sanctionne pas les sportifs contrôlés positivement. Les chauffagistes et les poseurs de châssis sont débordés. En cause, la fin des réductions d'impôts pour les économies d'énergie prévues en 2012 dans l'accord du budget. Et les clients donc se précipitent pour passer encore commande dans l'espoir de pouvoir encore bénéficier des avantages fiscaux. Mais tous ne pourront pas être contentés d'après les professionnels du secteur. Mais les clients pressés prennent aussi des risques en s'acquittant du montant total de la facture avant le 31 décembre. Ils espèrent donc pouvoir bénéficier des déductions fiscales, mais avec le risque de tout perdre si jamais l'entrepreneur devait faire faillite. Philippe Moreau, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, a été la cible de deux lettres le menaçant de mort. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien à la capitale. Le bourgmestre a refusé la protection de la police. Philippe Moreau voit deux phénomènes pouvant expliquer cette situation tendue. Un noyau dur d'opposants à sa politique d'intégration et un deuxième cercle de personnes, notamment flamandes, qui lui en veulent personnellement. Le bourgmestre évoque une véritable campagne de dénigrement à son encontre en Flandre. Le nouveau Premier ministre Elodie Rupo assistera aujourd'hui et demain à Bruxelles à son premier sommet européen en tant que chef d'État. Un sommet européen décisif et sous tension. L'objectif est d'arriver à un accord à 27 pour renforcer la discipline budgétaire. Tout cela sous la surveillance des agences de notation. Et puis après avoir menacé la zone euro lundi, l'agence de notation Standard & Poor's s'en est prise cette fois à plusieurs grandes banques françaises et allemandes. Chez nous, les banques justement, n'envisage pas de hausse des prix, répondant en déclaration du patron de la Fébelfine hier matin. Fortis, Dexia et KBC ont nié vouloir augmenter leurs prix pour faire face à la crise. Pas de hausse pour les services journaliers, mais pour les emprunts, le silence est de mise. Testacha de son côté n'y croit pas trop et pense déjà que les consommateurs paieront tout de même encore pour la crise. Et puis enfin en sport, football en Ligue des Champions en dernière journée de phase de poule. Lyon, Bâle, CSKA et Naples sont qualifiés. Les deux Manchester se retrouvent éliminés malgré la victoire de City et après une défaite humiliante à Bâle pour United. Cette sixième journée a été marquée surtout par le match à Zagreb, puisque Lyon s'est qualifié, tenez-vous bien, pour les huitièmes de finale, à 7-1. Ouais, exactement. Demi-miracle bah, français. Hein. Hier déjà avec Marseille, c'était assez surréaliste. C'est dommage, il n'y a pas la Belgique. Hein. Gang, malheureusement, n'a pas fait de miracle. Bon, 9h04 sur Fun Radio. Dans un instant, le remboursement des factures. Je vous explique en détail comment ça se passe dans 30 secondes. Le temps de faire un tour du côté de la météo. Malgré les éclaircies, ce matin, c'est encore la pluie qui va nous accompagner tout au long de la journée. Et toutes les régions seront touchées. Allez, bonne nouvelle tout de même. Il va faire un petit peu plus d'eau, jusqu'à 12 degrés cet après-midi. Demain, il va faire plus frais par contre. Et c'est au littoral que les éclaircies s'élargiront en cours d'après-midi. D'accord. C'est déjà ça de prix, effectivement. 9h05 sur Fun Radio, les factures, je vous explique dans 30 secondes. Restez là. Fun Radio. Fun Radio. Il est 9h05, bon réveil tout le monde et puis bon courage si vous êtes déjà réveillé, surtout dans la voiture en plein bouchon. Hein, on fera un tour du côté de l'infotrafic si jamais il le faut. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages aussi si vous êtes dans un bouchon par exemple au 3044. On attend ça avec impatience. Dans un instant, nous allons vous rembourser vos factures. Pour les c'est facile, il suffit de nous envoyer un petit message au 6322. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, une paire de chaussures pour les fêtes, 175€. Ah ouais, quand même, une belle paire de chaussures. Hein. 99€ pour un téléphone portable, 100€ pour la redevance téléradio, 112€ pour l'entretien de la chaudière, etc., etc. Si vous voulez qu'on vous rembourse, 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. On écoute Kirill Son dans un instant. Avant cela, c'est l'info en plus avec Julie. Mickaël, toi qui es blindé, toi qui ne sais pas faire, tu ne sais pas quoi faire de ton argent. C'est ça. Donc j'ai une bonne solution pour toi ici. Oui, eh bien, j'ai je te rassure, effectivement, tu as raison, j'ai gagné au loto hier, 3€, j'en ai misé 10. Donc eh bien, j'ai bien gagné. Il faudra ajouter juste quelques zéros derrière parce que DKNY, ouais, donc la marque, a créé un parfum, enfin surtout une bouteille de parfum, son parfum Gold Delicious. Eh bien, ils ont un petit peu décoré la bouteille de parfum parce que maintenant elle peut se vendre quand même à $1 million. Donc elle est décorée avec 27 000 diamants, 183 saphirs. Enfin bon, c'est un petit peu, ça brille, ouais, la classe, maintenant. Quoi. Et donc cette bouteille de parfum, ouais, sera, elle est bonne nouvelle quand même, vendue au profit d'une action Against Hunger, donc pour une bonne action. Donc ça c'est bien, mais quand même une bouteille de parfum à $1 million, on ne sait plus. Un milliard, mais oui, allez, ils agiront. $1 million, on ne sait plus quoi faire avec son argent. Tu m'étonnes, $1 million, non mais c'est un truc de dingue. Enfin bref. Bon, et ben voilà, Julie, tu sais ce que tu dois demander à Chouchou maintenant pour les fêtes là. Non, mais moi je pense que je vois pas très bien ce que je ferais avec une bouteille de parfum. Voilà, non, je préfère mettre ça dans une porte, oui, une porte de ça, voiture, enfin ce genre de choses quoi. Ouais. C'est vrai, fais attention parce que de ce que tu viens de dire, on pourrait récupérer le son. Je ne sais pas ce que je ferai avec du parfum, hein, tu vois. Non, genre, je préfère puer. Voilà. Mais merci Julie, hein. Je prends bonne note de ce petit moment pour le best-of. Ouais, c'est top. Bon, 9h07 sur Fun Radio. C'est clair. On va vous rembourser vos factures dans quelques instants. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et à 9h07, on écoute maintenant le son de Kerilson et Nelly. C'est Lose Control sur Fun Radio. Bienvenue. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et oui, exactement, tous les matins on vous appelle pour vous rembourser vos factures cash sur Fun Radio, 7h10, 8h10 et 9h10. On vous appelle pour vous rembourser n'importe quelle facture. Par exemple, les cadeaux de Noël qui arrivent là maintenant. Ça peut être un resto, ça peut être un petit cadeau pour madame, pour monsieur, pour les enfants, un cadeau pour soi-même également. Hein. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire. Hein. Bon, 24 000€ pour les eaux, je pense qu'il y a un moment où il faut... Hein, couper le robinet, hein. Il y a un moment, faut pas abuser quand même. Hein. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Allez, c'est parti, on y va, on appelle quelqu'un maintenant. Je crois que c'était pour un cadeau de Noël en plus là. Allez hop, remboursement du cadeau de Noël, c'est parti. Enfin, c'est parti, j'espère. Voilà, déjà ça sonne, donc ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Stéphanie. Oui, bonjour, Stéphanie. Stéphanie, tu sais qui facture le matin? Ah bon? Oui, Stéphanie? Oui. Tu sais qui paye, oui, les factures le matin? Oui, Fun Radio. Mais oui, exactement, voilà, gagné. Ah, bon, et bien on va te rembourser. Alors apparemment, c'est des cadeaux de Noël, c'est ça? Oui, voilà. Alors c'est quoi comme cadeau là que t'as acheté? C'est pour qui? C'est un MP3 pour ma maman. Un lecteur MP3 pour ta mère. Eh ben écoute, très bien, maman Jones, alors, avec le lecteur MP3. Bon, après, il faut voir s'il va réussir à le faire marcher, mais ça, c'est un autre problème. Le principal, c'est que t'arrives à l'avoir. Voilà. Bon, en tout cas, je te fais des gros bisous. Tu restes au standard. On va te rappeler cet après-midi. Donc, au final, ne reste pas au standard. On va te rappeler cet après-midi. Oui, on va te rappeler cet après-midi pour tout expliquer. T'inquiète pas. Vous pouvez pas rappeler tout ça, ça fait. Je vais voir. Bertrand va te reprendre en antenne. Tu vas voir, c'est Bertrand qui pousse les boutons là. On va gérer ça. Ne t'inquiète pas. C'est un peu pas, la carte, hein, ici. Voilà. Et bah ouais, t'as vu un peu. Faut tout faire. 9h12 sur Fun Radio. On revient dans un petit instant avec le son de Kate de Luna et Fatman Scoop. Ce sera Drop It Low, toujours en direct de Mons. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Exactement, l'horoscope sur Fun Radio tous les matins, 7h15, 8h15 et 9h15 avec Doudou qui est en pleine forme là. Ah, mais oui, je suis en pleine forme. En plus, il y a des filles, moi je trouve ça bien. Bah oui, c'est ça. Oui. Hein. Après, on pourrait aller dans les vestiaires. Exact, oui, c'est Doudou ça. Doudou est un chaud lapin. D'abord l'horoscope. Il est au taquet, Doudou là. T'imagines même pas là. Il fait des infidélités, Julie, faut le savoir. Et oui, je vois ça. Il fait aussi des infidélités à Marie-Dominique, Marie-Christiane. Ah oui, Marie-Dominique, Marie-Audrey. Ah, là, j'ai rencontré Marie-Amandine et Marie-Sarah. Ah oui, c'est ça. Marie-Amandine et Marie-Sarah qui sont là apparemment. Bon, les béliers, Doudou. Alors les béliers, une nouvelle vous surprend et vous ouvre de nouvelles possibilités. Très bien, les taureaux. N'exigez pas plus de votre entourage que vous ne pouvez le faire vous-même. Les gémeaux. Même en faisant du sport, vous devriez veiller à faire des pauses. Les cancers. Cette journée va éclaircir quelques fronts. Sachez faire la différence entre vos amis et vos adversaires. Les lions. Votre situation est bonne pour débuter de nouveaux projets. Les vierges. Dans le courant de la semaine, vous risquez d'avoir une dispute avec votre chef. Alors vérifiez bien votre travail. Les balances. Le stress prend votre envie de vacances ou d'une pause. Alors ne vous découragez pas, c'est bientôt le week-end. Les scorpions. Une bonne idée va enfin être honorée et vous pourrez vous imposer. Très bien, les scorpions. Non, pas du tout. Les Sagittaires, on l'a fait Scorpion, c'est ma faute. Ah oui, je ne comprenais pas. Les Sagittaires. Alors, en ce moment, vous ne connaissez pas le grand amour, mais attendez encore un peu et ne perdez surtout pas courage. Les Capricornes. Bientôt, vos chances financières vont s'améliorer. Les Verseaux. Ne vous faites pas d'idées fausses, vous êtes dans un cul-de-sac professionnel. Et pour terminer, les Poissons, Dodo. Oh, la passion et l'amour sont en premier rang. Même si vous le souhaitez, vous ne pourriez pas leur échapper aujourd'hui. Très bien. Merci, Dodo. On vous retrouve demain en direct de Bruxelles cette fois. Hein. Ah oui, d'accord. Bah voilà, très bien. J'étais bien, bon. Oui, bah, j'imagine bien, vous étiez bien, mais ce sera demain en direct de la radio. On va s'écouter le son de David Guetta maintenant avec Usher, c'est Without You sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. David Guetta à l'instant sur Fun Radio avec Usher, c'était Without You. Il est 9h20 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Martin Solveig avec Dragonette qui arrive avec Big in Japan. Il y aura également, bien évidemment, dans quelques instants aussi, Lucas qui sera là pour le self jusqu'à 13h. Vous ferez la prog avec lui, évidemment. Vous enverrez vos messages au 3044 en débutant votre message par self ou alors sur le Twitter de Fun. Vous allez sur twitter.com et vous tapez Fun Radio. Pendant que Toff et Lob sont en train de s'entraîner avec des poids qui sont beaucoup trop lourds pour eux puisque Toff n'y arrive plus déjà, hein. Je lâche l'affaire. Ouais. Ah oui, bah Julie aurait vu ça, je pense qu'elle aurait pu craquer. Alors elle a lâché Chouchou pour alors toutou. Là, voilà, vu en ça, plus le look, parce que j'ai été mater les photos déjà postées sur Twitter, vu le look, bah, j'aurais craqué direct, hein, ça c'est sûr. Ouais, le beau cycliste, c'est canon. C'est Dominique et Davina, tu vois, toutou, youtou. Ouais, c'est un peu ça, mais pas le même physique. Hein. Ah non, je te confirme, ils avaient pas la même tronche. C'est Domino et Davino. Ouais, Domino et Davino, effectivement, avec l'homme, ouais. Ah non, mais ils sont beaux comme des camions. Voilà, on va dire ça comme ça, effectivement. Bon, et ben Julie, passe une bonne journée. Oh, mais passez une bonne journée, vous aussi. J'ai hâte de voir les résultats sur vos corps musclés demain matin. Mais tu vas voir les tablettes de chocolat, je te dis. Ah oui, ça va être incroyable. Les athlètes russes. Ah mais non, mais tu verras, tablette de chocolat, on mettra les photos et tout, vous verrez. Non mais vous verrez vraiment. Bon bah passez une bonne journée en tout cas tout le monde dans un instant. Donc comme je le disais, c'est notre ami Lucas qui va débarquer. Merci à Bertrand d'avoir poussé les boutons également. Et puis bah dis pas merci Bertrand. Oui, merci. Ah quand même. Je suis un grand timide, hein. J'attendais d'entendre quelque chose quand même. Bon, et puis évidemment, il y aura Jasmine à partir de 13h avec Pure Dance Floor, Evan à 17h, et puis la libre antenne de Vince avec l'abbé Nabil, Aline la stagiaire également et Cathy au standard, dès 20h, libre antenne jusqu'à tard dans la nuit. Voilà, passez une bonne journée, on se retrouve demain en direct de Bruxelles cette fois-ci, et on remercie également Mons et la salle de sport Power Gym qui nous a accueillis. À demain tout le monde, ciao! Il vous manque déjà? Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Votre seule chance de gagner des billets d'avion toutes les heures, c'est d'écouter Mickaël à la radio tous les matins. Fun Radio. Oui, quoi. Trouvez la réponse à l'énigme de Mickaël. Et vous gagnerez peut-être vos billets d'avion mis en jeu chaque matin. Ouais, c'est pas vrai. Pour remporter les prochains billets d'avion, rendez-vous demain dès 6h sur Fun Radio. Mickaël à la radio.